lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Sacha Bourque, 70%. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Écoute, j'en ai des frissons. Non, je peux faire quelque chose d'autre. Non, pour vrai, c'était pour te dérouiller, celui-là. Ouais, exactement. Let's go, on en prend un autre. Hey, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sacha Bourque. Il me fait plaisir d'être ici à douteux.org à l'émission 70%. Hey, hey! À 70% cette semaine, vos chroniqueurs sont Jonathan, Kevin, Simon Portelance, Andy Jacques, Mathieu Boudreau, Jacinthe et le projet Marianne en Osberne. C'est le temps de ramasser de la mousse dans le fond de tes poches parce que c'est 70%! S'il y a plus de 9 ans, le nez collé devant l'écran, un grand enfant ne pouvant s'empêcher de partager des questions insondées et de fonder ce qui doit se fêter. Douteux, douteux.org, 70%. Marianne, mesdames et messieurs. Oui, ben oui. Ah, ça, c'est en train d'arriver. Hein. On sent là, le 70% monter. C'est capoté. Hein. Moi, ça m'arrive une fois par semaine de sentir le 70% monter. L'envie d'offrir mon strict minimum pour divertir les gens. Et cette semaine, j'ai décidé de commencer avec une nouvelle d'importance capitale dans le monde du sport. Il y en a ici qui se portent. Faut se porter, hein. Ça permet qu'on, ça nous aide à vivre plus longtemps quand tu se portes. Tu sors dehors puis tu se portes. Genre, toi tu se portes-tu, Jérémy? Oui, tout le temps. Tout le temps, t'es un sporteux. Ouais. Bon, ben voilà. En fait, je vais vous entretenir d'un sportif avec un très grand S. Un homme qui vient de rejoindre les rangs prestigieux et select de 10 championnats mondiaux de remportés. Michael Jordan n'a même pas ça. C'est arrivé le 4 juillet en Californie. Participant pour une 11e fois à la compétition de Nathans, Joey Chestnut, un Américain de force, de caractère, d'ambition et de passion, mettant en jeu son titre pour une 9e fois. Tous ses rivaux habituels étaient là, espérant qu'il allait flancher pour ainsi détruire cette séquence victorieuse débutée avant même la création de Twitter. Les Kobayashi, Carmen Sincotti et surtout Matt Stoney, surnommé Megatoad par les initiés, qui lui avaient ravi le titre en 2015. Tous étaient au sommet de leur forme pour venir affronter le champion incontesté, Joey Chestnut. Tous voulaient la légendaire Mustard Belt, ou ceinture de moutarde, remise aux gagnants de la compétition. Puis, sous les acclamations de la foule présente, débuta la lutte à finir annuelle. Attends, ils l'ont amené sur une chaise à porteur. Là. En plus, oui, oui. Le truc de Chestnut, c'est d'y aller un petit peu comme un marathonien. C'est d'essayer de débuter plus lentement que la vitesse à laquelle il termine. Après tout, son sport, c'en est un d'endurance. 10 minutes plus tard, Joey Chestnut avait ingurgité 72 hot dogs. Soit 8 de mieux que Carmen Sincotti, qui est terminé deuxième. Ah, je l'ai vu, ça. Ça veut dire 20 189 calories. Un être humain moyen en a besoin de 2000 par jour pour... c'est ça. Selon le site de TotalProSports.com, Joey Chestnut empoche un peu moins de 220 000 grosses piastres US par année. Surtout, il vient de rejoindre un club très sélect de 10 fois champion mondial de sa discipline. Ça veut dire qu'il est avec Jean Béliveau et devant Michael Jordan, je le répète. Joey Chestnut, donc, ce 10 secondes de foule qui fait du bruit de mastiquer, t'es offert, t'es un héros. Ça doit faire des vraiment gros caca. Il était à un hot dog de son record. La foule qui fait des bruits de mastiquer, hein? Plus. C'est juste comme... C'est ça, des fois ça passe par le nez. Il y a beaucoup d'eau là-dedans. Pour, gros, le gars. Et voilà, c'était mon hommage à un grand sportif. Mais à un hot dog de son record personnel, de 73 ans. Hein, ah, je pensais qu'il avait battu son record. Il en a perdu un peu, je pense. Il est à la fin, Joey. Il est à la fin, Joey. Mais là, il vient de. Je veux dire, il est avec les Michael Phelps au Panthéon des Si j'étais lui, je prendrais ma retraite. Ouais. Tu sais, pendant que son estomac est au top. Je comprends. Oh, ouais. Moi, je trouve que t'es un excellent narrateur, mon gars. Moi, ça? Ouais, t'as très bien lu ça. Ah oui, on croyait. Morgan Freeman, là, il devrait avoir peur pour sa job. Oh, le style fatiguant. Moi, je suis plus capable de Morgan Freeman. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois qu'il y a Morgan Freeman, il y a Morgan Freeman qui donne des conseils. Puis je n'ai vraiment plein le cul de Morgan Freeman qui donne des conseils, surtout qu'il est marié avec la fille de son ex-femme. Ça, c'est pas creepy. Ce qui est quand même très romantique quand tu y penses. Ça fait des beaux Noëls. Hein, tu sais. On reste pas avec le vieux monsieur cochon parce qu'il y a de l'argent. C'est parce que c'est Morgan Freeman. C'est la technique, tu sais, Woody Allen. Ça, ben oui, il parlait. T'as beaucoup d'informations sur Morgan Freeman. Ben. Ah, ben c'est pas. Ça fait longtemps que je n'ai vraiment appelé le cul de Morgan Freeman. Je te dirais que Shawshank Redemption. OK. Tu sais, avec. C'est correct, ce film-là. Puis je l'ai réécouté une fois, là, il y a comme 3-4 ans, puis je n'avais vraiment appelé le cul de Morgan Freeman qui donnait des conseils. Tu sais, à ce temps, Morgan Freeman qui donne des conseils, je suis plus capable. Il était Dieu, Calvaire. Donnez-nous un break. Là, tu sais. C'est vrai, il a fait le Tout-Puissant. Ouais. Hein. Toi, t'es un Morgan Freeman... Plus un Jim Carrey. Ouais, hein? Ouais. Tu te trompes. Non. Sinon, ben, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Jérémy Alain, s'il vous plaît. Ah, c'est pas la première fois que le brouhaha t'applaudit. Toi, t'as déjà fait brasser les planches. Ben oui, mon chien. T'étais là, t'es venu prendre le relais de C'est Dieu l'éveillé quand on avait besoin de quelqu'un qui soit... Ce sont des faits. Ce fameux C'est Dieu. Hey, tu sais, il m'a fait un hommage, lui, quand on était au Comedy Club au bordel. Pour moi, il manque de monde qui l'appelle. Effectivement. Effectivement, mon Tommy. C'était quoi l'hommage? Tu l'as-tu entendu? Ben, c'était l'hommage, j'étais sur moi, puis en tout cas... T'étais-tu à l'aise? Non! Je suis sûr que même non. Ça, tu l'as trouvé plate. Non, ben, en tout cas, je m'en vanterai pas trop. C'est ça, on lui souhaite le meilleur. Une des blagues qu'il y avait, c'est qu'il avait pris une de mes photos en gros plan de ma face, puis il avait fait comme... Ah! Il la caressait sur son sexe. C'était un punch. On le reconnaît. Ouais. C'était du grand burlesque. Oui, oui. Tu vois, je l'ai même pas vu, puis tu fais pareil. Il y a une catégorie. Sinon, Jérémy Alain, toi, tu viens de Gatineau. T'as pas choisi ce bout-là? Yes, sir, malheur. Est-ce que t'as choisi de devenir un humoriste? Oui, monsieur. T'es sûr? Oui. OK. C'est que j'ai pas, on dirait que j'ai comme pas la bonne réponse en ce moment. Non, mais développe. Développe. Tu veux que je développe? Okay. Ben oui, t'es pas comme né avec un talent d'être sympathique que tu voulais partager avec la monde. T'as pas été victime de ton âge? Non, moi j'étais un peu un gros moron, puis... T'avais un 4 roues, puis t'allais au pit. Non, pas ce style. C'était quoi ton nom, Chibi? Plus genre le gars vraiment ignorant, naïf, puis il trouve tout ça drôle, fait qu'il m'a amené... c'est contagieux, ça, hein, ça fait rire le monde. C'est vrai. Ouais, puis il y a une question aussi que je voulais te demander depuis longtemps. Là. T'as le droit à tout, man. Ça va pas si mal que ça avec les filles, là. Oui. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, je dis tout le temps, qu'est-ce que je fais pas, tabarnak? C'est un personnage. Non, c'est vraiment pas un personnage. C'est un appel à l'aide. Hey, man, le nombre de fois, Stigman, que. Christ les femmes, hein? Ouais, man, en 2017, les gars pis les filles. Pas pareil. C'est pas pareil. Non. Les filles, c'est plus. les hommes. Gars. Oui, c'est pas pareil. Les gars, les filles. J'avais une date avec une fille vendredi. On la salue. Puis, Puis j'espère qu'elle écoutera pas ça en ce moment. Mais, l'activité principale, c'était on va boire une bière. Puis là, on s'est dit, hey, on est dedans, on va faire une tournée des bars. Puis moi, je me suis réveillé le lendemain, je me souvenais plus qu'est-ce qui s'est passé, puis j'étais dans la rue. Rue, tu t'es réveillé dans la rue. Ça, c'est... Puis qu'est-ce qui m'a réveillé? La pluie! C'est la pluie qui m'a réveillé! Une averse de fucking pluie, tabarnak! C'est comme peut-être la nuit la plus torride et romantique de toute ta vie. Ben, gars, je m'en souviens pas pour le dire. On fourré dans le dumpster. As-tu essayé l'hypnose? Oh, man! Des fois, l'hypnose, ça peut te ramener. Mais le pire, c'est que je trouve ça drôle. J'ai pas appris de ça, fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver pour que j'arrête de boire comme un trou, là. D'habitude, il arrive quelque chose de beau à un moment donné. Je te souhaite que ça sera rien de violent ou définitif, là, mais... Tu sais, se réveiller dans la rue... Ça aussi, ça a l'air d'un appel à l'aide, là. C'est comme, c'est l'étape avant de te réveiller d'un champ de patates tout nu, là, tu sais. Avec un rein en moins. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que celui, c'est juste un rein. Celui qui va avoir mes reins, il va être dans la main parce que je fais des pierres aux reins. Il va le vendre à rabais, sûrement. C'est apprécié, c'est vraiment comme le... Ben ouais, t'es-tu fait que... T'es-tu asthmatique? T'as-tu un autre problème? Non, je fais rien que pas fourré. C'est pas mal juste ça. C'est pas mal juste ça. Tout le calcium s'accumule en dedans. Pas fourré, ça développe les pierres aux reins. Ben, je sais pas. Je pense que 1 plus 1, ça fait 11. Moi, je dis, prends pas de chance. M'a demandé à Morgan Freeman qui me fait une étude là-dessus. Jérémy, on va passer là-dedans tout de suite. On te garde, tu sais comment ça marche. Ben oui, mon chum, je connais ça, moi, vous connaissez tout. Fait que moi, j'aimerais ça que tu nous fasses... C'est sûr qu'il y a une des deux affaires qui va me décevoir, fait qu'on va faire celle qui va me décevoir en premier. Est-ce que tu joues à Magic? Non. OK, fait que maintenant, j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. On demande ça à nos invités à 70%. Mais j'ai rien contre le monde qui joue à Magic, OK? Mais j'ai rien contre ça. On parle plus de Magic. Je suis en train de vivre ma déception. Laisse-moi la vivre. C'est à chacun ses deuils. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a une raison pourquoi tu joues pas à Magic. C'est sûr qu'elle sera pas bonne, mais c'est sûr, on peut focusser là-dessus. Moi, je vais te laisser l'animateur en chef. Tu sais que tu t'en vas. En fait, c'est rendu à toi, il faut que tu nous fais un indicatif. Puis ça peut être, je m'appelle Jérémy Alain et je ne joue pas à Magic à cause de ça et je viens de vous l'expliquer à 70%. Ah, okay. C'est toi qui décides, là. OK, ben je m'appelle Jérémy Alain et je joue pas à Magic parce que... Je sais pas, je viens d'un univers de dopé, puis on dealait de la dope avec nous autres. Il y a quelqu'un qui fait comme « Hey, je suis un magicien! » Moi, je suis comme « Non. » À 70%! Merci, Jérémy Alain! Yes! Mais ça, c'est un mime qui revient souvent. Hein? Ouais. Tu montres à tes enfants à jouer à Magic, fait qu'ils n'auront jamais d'argent pour se payer de la dope. Et voilà. C'est bon, ça. Le magic pédagogique. Capoté. Fait qu'à partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer. C'est des personnes différentes avec des opinions différentes sur des choses différentes. Je suis pas très dans le contrôle de ce qui s'en vient. Des fois, j'ai envie de leur dire de crisser le camp, mais bon. Des fois, j'ai envie qu'ils restent plus longtemps aussi. Ouais. Mais là, à partir de maintenant, t'as un micro, laisse-toi aller, on a de la bière. S'il t'en manque, essaie de tomber blackout après le show. Genre. Parfait. Ça. C'est bon. C'est un bon deal. On va se reparler pendant. Hey, Jérémy Alain, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Et là-dessus, on s'en va au bon soin du projet Marianne. J'ai failli dire la fin Marianne. Ouais. Deviennent exceptionnels avec Emmanuel et Noël avec Emmanuel. All right. En manchette cette semaine, le pape François II fulmine après que les forces constabulaires italiennes aient dû intervenir dans une orgie torride homosexuelle et alimentée par les drogues dans les appartements privés d'un haut placé du Vatican. Qui aurait cru? Intéressant. La police répondait aux appels de voisins dérangés par les nombreuses allées et venues dans l'entrée du vice, si vous voyez ce que je veux dire. Monseigneur Capodi, le responsable des ébats pontificaux, ne fait face à aucune charge criminelle, mais il a dû être amené à l'hôpital pour purger son système des drogues qu'il avait prises. Ce n'est pas la première fois que ce type d'événement fait frémir le Vatican. Hein? On se rappellera en 2015, mais un prêtre italien et qui avait été suspendu pour orgie et un autre à Naples, plus tôt cette année même, pour des allégations similaires. Calvaire. Il faudrait qu'il change de manière de faire. Hein? C'est sexe, drogue et je vous salue Marie. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, pousser des affaires en dessous du tapis, ben, tu marches juste ces affaires. Ben, là, oui, puis les affaires grossissent. Ben oui. Des drôles de manières de bénir le monde maintenant. Hein? Et voilà. Merci Emmanuel. Let's go hello. Ceci n'est pas la prémisse de la suite de l'excellent de Bed That Eats et j'en suis désolé. Les services d'urgence de Colonial Heights en Virginie ont répondu à l'appel de détresse d'une fillette de 12 ans leur demandant de secourir son amie prise dans un divan-lit. Les fillettes jouaient à la cachette d'une bien drôle de manière quand l'une d'eux a eu l'idée de se tapir dans le sofa pliant. Les ambulanciers et les pompiers ont extirpé l'enfant en quelques minutes une fois qu'il fut confirmé qu'elle n'était pas en danger. Les deux enfants sont indemnes et on leur suggère de se trouver une meilleure cachette la prochaine fois. C'est quand même cave. J'aime ça que le monde soit au courant. Oui. Il faut que le monde sache. Le Trollpikken, une attraction touristique de Norvège qu'on pourrait traduire par le pénis du troll, a été victime de vandalisme dernièrement. Une campagne en ligne a recueilli près de 270 000 couronnes, soit environ 36 500 $ canadiens, pour restaurer le cap rocheux iconique qui se dresse à flanc de montagne. L'érection rigoureuse sous la supervision d'une équipe de travailleurs acharnés équipés d'échafaudages de ciment, de barres de métal et de vis a permis de dresser de nouveau le pic rocheux vers le ciel scandinave. Oh, c'est la bonne nouvelle de la semaine! Hey, on applaudit! Le pénis naturel de troll! Il est de retour. Toutefois, on invite les touristes excités à réfréner leurs ardeurs pour la semaine à venir afin de laisser la formation rocheuse se solidifier avant de gravir à nouveau le phallus de 12 tonnes bien raide. Calvado. Ça serait... c'est passé au conseil. Ouais. Ils ont dit, c'est parce que si on veut que le monde vienne dormir à l'auberge, il faut leur offrir un pénis. Ben, c'est une attraction mondiale. Ouais. Ouais, ouais, mais une attraction mondiale. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a sûrement genre une boutique de souvenirs de ça. Qui vend genre des porte-clés en copies. Queue. Oui, c'est ça. Oui. Les métaphores de ce pénis-là ont sûrement pénétré plus de madame que toi. Là, ça serait drôle qu'il y ait cette même affaire-là, mais dans la ville de Grenville. Ça matcherait tellement. Est-ce qu'il est trop tard? Jérémy Alain pour maire de Grenville, puis fait ériger après ça quelque chose. Ouais. Ah ouais. Ça serait une grande foule vont de se déplacer à Grenville. Au lac Saint-Jean, ils ont essayé d'avoir un roi, puis ça a tout changé à donne là-bas. Là. Ouais. Hey, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Let's go, Marianne. Parce que oui. Des vieilles peuvent un peu qu'éteindre de la nostalgie comme on l'aime. Si elle te manque autant du grand petit écran, demande à Jonathan, il connaît la chanson. C'est Jonathan Simon, niveau 20 de la télévision. Ouais! Allô! Merci Marianne! Ouais, ben ouais. Merci Marianne! Yeah! Allô! Salut, on te reconnaît, toi, GC? Oui, Jonathan, il est parti aux toilettes. Il fait tout le temps ça quand je fais des chroniques. Oui, je sais. Je vous ai jamais vu les deux dans la même pièce en même temps. Mais pourtant, j'ai été invité à son émission de chez Johnny Publicité. Éventuellement, vous allez nous voir les deux en même temps. On est assez out. Oui, mais c'est juste dans ces conditions-là qu'on peut être les deux en même temps à une place. Oui, c'est ça. De quoi t'es venu nous parler, là? Premièrement, je suis rendu avec des verres de contact parce que Jonathan, il a pété mes lunettes dans son sac à dos. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais c'est ça. Non, mais je suis venu vous parler de ma nouvelle business. Je lis l'avenir dans les cartes de hockey. T'appelles ça comment? Le tarot-hockey? Le tarot-hockey est écrit ça. Merci. En fait, j'appelle ça JC Rondeau Medium. Je vais juste... Ouais, mets-toi à l'aise, ça, ici. Me mettre à l'aise un petit peu. T'es-tu un believer? En fait, c'est quelque chose, c'est quelque chose que j'ai développé en jouant au Ouija, puis j'ai essayé de contacter les fantômes du forum en 95, là, quand on gagnait plus de Coupe Stanley. Là. Ouais, depuis pas longtemps. C'est ça, et je suis arrivé avec le don de... Fait que je vais te lire l'avenir. C'est donc ben cave. C'est mon avenir ou c'est l'avenir? À qui? Ça peut être ton avenir, ça peut être l'avenir en général. Fais-moi, do me. Okay. Alors, on va regarder ça. Donc, en gros, il faut que je pige 6 cartes. T'as un goaler, 2 défenseurs puis 3 alliés. Une équipe complète. Une équipe complète, ça va. Alors, on va commencer par la première carte. Shane Corson. Wow. Alors, on applaudit. Shane Corson, c'est quoi ton équipe de hockey préférée? Ah, c'est vraiment pas celle que t'as là. C'est pas le Canadien. Ah, oh, okay, ben ça... non. Ben, moi, j'étais nordique. Puis là, ça, c'était les relents comme Stanley. Il paraît que c'est la meilleure équipe au monde. Mais je pense encore que c'est la moins bonne équipe de hockey à avoir gagné la Coupe Stanley. C'est ça qui est écrit dans les cartes? Ouais. Non, parle-moi mais... de Shane Corson, toi. Shane Corson, c'est un avenir plein de fêtes et de parties et de disputes avec un entraîneur, quelque chose comme ça. C'est moi, ça. Salut, Pat! Donc, c'est un bel avenir. Larry Murphy, ça, c'est un défenseur. Tiens, je vais le mettre dans la défense. Ça, en gros, c'est la loi de Murphy. Il va t'arriver beaucoup d'affaires qui sont pas à des moments qui sont pas souhaitables. Genre, je fourrais pas. T'achèteras pas beaucoup de 649 cette année, hein, mon gars. Non. À date, ça se vérifie bien. Mais encore pas. Y a-t-il une différence entre un Larry Murphy à l'endroit et un Larry Murphy à l'envers? Genre? Non. Non. Bon. Je connais mon tarot. Je connais mon tarot. JC brasse les cartes pour essayer d'invoquer la puissance mythique. Les fantômes du forum. La Sainte Flanelle qui appelait ça, Corlys. La Sainte Flanelle. La Sainte Flanelle. Veux-tu même taper ses nerfs? C'est quoi qu'il y a de saint là-dedans? Ben, c'est confortable. Je suis pas sûr de comprendre en ce moment le dilemme qui se passe. Il appelle la Sainte Flanelle, le Canadien. C'est pas moi qui ai inventé ça. Non, j'espère. Ça vient d'où? C'est sorti d'un cul à quelque part, ça? Je sais pas. Après, quand t'as passé la soirée avec des patins. On parle en attendant que... J'ai la carte de Normand Rochefort ici. Oh. Ça, Normand Rochefort, c'est des difficultés en vue. Hein? Ça se peut que tu Rochefort. Oh! Hey! Il est allé là! Ça se fout ça! Alors, prochaine carte. Raymond Bourque, là, tu te ramasses avec trois défenseurs dans ton alignement. Ça se peut que tu sois beaucoup sur la défensive. Ben, avec Raymond Bourque. Raymond Bourque, c'est ça. J'aime mieux ton mot. Ok, c'est bon. Sauf que Raymond Bourque, il est bon dans toutes les positions. Il a pas. On appelle ça une sauce. Il peut jouer à toutes les sauces. Toutes les chaises. Il peut prendre toutes les chaises. Une chaise ou une sauce. Owen Nolan, une recrue. Hey, ça, c'est, ça vaut cher. Tabaslac, hein? Je pense que ça vaut 2,5 piastres à peu près. Oui, avec le chandail nordique. Mais ça, c'est bon parce que tu m'as dit que ton équipe préférée, c'était nordique. Ah ouais, les équipes préférées, c'est un petit peu comme les signes du Zodiac. Puis je me rappelle la fois que mon père capotait parce que Owen Nolan était allé plaquer Eric Lindros. Là, mon père récapotant à Gris là, dans ce temps-là. T'étais là, Pat, tu t'en rappelles? Ah, il était vraiment heureux. Il l'appelait le cowboy, ça. Éric Lindros, il a le dedans du crâne fragile. Oui. Il a travaillé fort là-dessus. Fait que Owen Nolan, c'est quoi ça veut dire, bon? Ben, Owen Nolan, c'est, en fait, ça, c'est Owen Nolan recru. Ça veut dire que ça, c'est de la fraîcheur, de la... L'avenir est très, très vague, soit dit en passant. Tu sais, je peux pas prédire des événements précis. Tu sais, je peux pas te dire tu vas croiser un chien à telle place. Ça serait le fun, ça. C'est plus des sensations. Ouais, c'est ça. Là, normalement, ça se peut que je pige pas de goaler, fait que ça se peut que t'aies 6 attaquants. Ça, c'est de la vulnérabilité, pas de goaler. Une équipe pas de goaler est très vulnérable. Tu peux-tu pogner un coach, genre, puis tout mettre ça ensemble? Non, je peux pas pogner un coach parce qu'il y a pas de coach dans mes cartes spéciales. Okay, c'est bon. Ah, ben, regarde. Ouais, j'ai été pigé un goaler, c'est le fun. Oh, ça tombe bien. Fiu! Je ne suis pas vulnérable. Non, puis en plus, t'as Stéphane Beauregard, ancien des Jets de Winnipeg. Ça, un beau regard, ben dans le fond, c'est que tu as une bonne vue, fait que tu vas voir les événements arriver d'avance. C'est de l'anticipation. c'est ce qu'il vient de te dire. Merci, JC. Merci beaucoup. Ouais. Comme là, je vois venir le moment que tu t'en vas tranquillement. Ouais, ça s'en vient bien. Merci, JC, mesdames, messieurs. JC Rondeau. Oh, ouais. On dirait que JC, c'est comme le frère à Chabot dans Poudy Chabot. Ah, un petit peu, peut-être. Un petit de famille. Oui, sauf lui, les années 80, c'est plus le hockey. On a parlé de quelque chose qui m'a vraiment touché avec JC qui vient de me faire mon horoscope. Et t'aimes-tu les chiens? J'adore les chiens, man. T'as-tu un chien? Non. Si t'avais un chien, tu l'appellerais comment? Ça serait quelle sorte de chien? Ça serait un boule terrier. Un boule terrier? Puis jamais j'opérais ça. Ah non, ouais. Hein? Non, man, c'est fait pour avoir des balls. Est-ce qu'il t'apprendrait le courage? C'est fait pour fourrer des chiens! C'est comme encore une métaphore. C'est moi, je peux pas fourrer mon chien, il peut, tabarnak, OK? Au parc à chien, c'est lui qui prend. Ben ouais, t'as bien mal tenu, l'autre chien. Non, OK, j'arrête. Mais tu consultes, hein, Jérémy, ça te fait du bien de nous parler. Je consulte en ce moment. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs, on se prendrait deux autres consultations si jamais quelqu'un est témoin. On fait confiance à des hommes qui sont là-dessus. Puis, enfin, quelqu'un qui parle ma langue. Marianne, s'il te plaît, amène-nous au prochain. Oh! Yeah. Merci Marianne! C'est lui! Excusez-moi, là, deux secondes, là, je suis super gros stressé. Là. Ah, t'avais pas pris ta dose encore. Ah. Moi, j'aime pas le fromage, j'aime ça, toi, Jérémy? Le fromage! Je vais t'amener une dose, là. Je suis bien gentil. T'as la grosse dose pour toi, Jérémy? All right. Une dose, Tony? All right. C'est chaud, man. Pas Bruno. C'est encore chaud. Hey, il a mis ça dans sa poche à fromage. C'est du bon, là. C'est du bon stock. Bon. Tu fais partie de la gang maintenant. Je le laisse, mon chum. Bon. Si j'ai faim. Là, je suis venu vous parler de quelque chose de primordial, là. Mais avant tout. Là, vous vous demandez pourquoi tu manges une dose de fromage. Parce que moi, ma mère, elle me l'a dit, hein. Quand tu stresses, mange du fromage. Parce que, tu sais, il y en a qui fument des cigarettes quand ils sont stressés. Mais c'est pas logique, parce que du fromage, ça te donne 5 minutes de plus de vie, puis une cigarette, ça t'en enlève 5. Puis si t'es wise comme moi, ben tu fais les deux. Tu gagnes rien, tu perds rien. Ça doit goûter bon et sentir bon, ce mélange-là. C'est écœurant, man. Les Aztèques, ils faisaient ça dans le temps. Non, c'est pas vrai, les Aztèques ne mangeaient pas de fromage, ils ne pouvaient pas. Bon, les enzymes et tout ça, là, c'était un autre dossier, ça. Là. Bon, là, j'ai parlé de pourquoi je mangeais du fromage. Là, je m'en viens vous parler de encore plus pourquoi je mange du fromage. Parce que j'ai eu une épiphanie il n'y a pas si longtemps. Ah, une épiphanie. Puis, je me suis rendu compte que Dieu, la formule, l'équation de Dieu, puis la raison de la vie, c'est le fromage. Ben quelle surprise! Puis là, je vais vous parler de ça si vous ne me croyez pas. Fallait réfléchir. OK? C'est ça. Dieu, il a créé quoi? Il a créé la vache pour faire du lait, premièrement. Ouais. OK? Il a créé les herbes pour mettre dans le fromage. Il a créé les porcs, il a créé la moisissure. Il a créé les porcs pour avoir de la pressure dans leur estomac, c'est ça, comme ça que ça s'appelle, de la pressure ou de la caillette de porc. Ensuite, il a fallu que tous les bons petits ingrédients arrivent au bon moment en même temps, que ça s'étire sur longtemps. Il a fallu qu'il crée l'homme. L'homme qui a domestiqué toutes ces affaires-là. Hein? Ça fait du sens, là, hein? J'ai rien compris. Non, ça a du sens. Excusez-moi, c'est un anglicisme. Puis, au bout de la ligne, ben c'est nous autres qui est gagnant là-dedans parce que c'est la raison de la vie. Tout part de là, c'est-à-dire l'art, la philosophie, la science, la religion. La ça part tout du fromage. La poutine, ouais. La poutine, gars. Ça, c'est le Saint-Esprit du fromage. Les frites, la sauce, puis les fromages en crotte. Ben ça aussi, c'est d'autres inventions de l'homme. La tarte aussi, c'est hot. Une tarte, il a fallu que quelqu'un pense à prendre de la levure. Mais c'est pas aussi complexe que le fromage, parce que le fromage, là, on parle de vie. Il y a de la vie dans le fromage, il y a des bactéries, c'est plein. Fait que, grosso modo, c'est ça. Dieu est dans le fromage. Pourquoi vous pensez que les moines, ils font du Saint-Paulin, du Saint-Guillaume? Parce qu'ils trippent sur Dieu puis sur le fromage. Mmh. Ben oui. C'est pas des caves. C'est vrai. C'est pas des zouaves, je devrais dire. Ça peut pas être des caves. Non, c'est ça, c'est pas des zouaves. T'en comprends-tu? Des moines, c'est pas des zouaves. Ah, laisse faire, t'es pas assez vite. T'es ça pas assez vite. C'est une joke de Capitaine Haddock. Mais non, c'est une joke de religion, maudit Hérode. Je googlerai, là. Puis en terminant, parce que moi, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que mon point, il est assez ferme. Hein? Là, en terminant, moi, je m'insurge contre quelque chose, là. Les nouveaux personnages de Passe-Partout d'il y a 30 ans, là. Tourmaline. Tourmaline. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle est maline et elle fait des mauvais coups. Pensez-y. Puis Passe-Midi. Calice. Il aurait pu se forcer un passe-montagne, c'est un morceau de vêtement. Une Passe-Partout, c'est une clé. Passe-Midi. Ah, il est passé midi. Passer à go. Passer tout droit. Passe-moi dans le beurre. Tu passes le doigt. Merci, Kevin. Mais oui! Une chance qu'il est là. Je suis pas sûr que j'ai tout suivi. Là, mais... Il y a vraiment une morale à retenir de ce qui s'est passé. Mais c'est peut-être pas dans ce qui s'est passé que la morale est à retenir. C'est le septième jour, Dieu se fit un grilled cheese. C'est vrai. Moi, je trouvais qu'il y a une belle barbe. Quel tour tu montrerais à ton chien? Assis. Ça me donne un bon, ça. Ouais. Dis à Marianne qu'on passe au prochain chroniqueur. Hey Marianne, on passe au prochain chroniqueur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est contente. Il est ici, c'est lui, c'est Andy. On est content de le voir, c'est merveilleux. C'est lui, c'est lui. Il a réussi Andy. Le bon filet fou braque avec Andy Jacques. Viens là, là. Bonsoir tout le monde. Woo! Bonsoir. Hey, la salle est chaude, chaude, chaude. Juste pour moi. Enlève ton linge, tu vas avoir chaud. Mon nom, c'est Andy. Je suis Andy. Je joue pas de personnage. J'avais c'est vrai, c'est genre le premier ce soir. À soir hein, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, j'avoue, il y en a deux d'affilée. Ouais. Si vous vous rappelez, la dernière fois, ma chronique, c'était... Ben, t'étais pas là, toi. Mais ça a été les noms bizarres en 2016 qui avaient été donnés aux filles. Et je vous avais promis que à la prochaine chronique, j'allais faire celle des garçons. Ouais! Oh! Alors, je travaillais là-dessus hier dans la nuit. Lorsque ma sonnerie, ben, ma porte, ma sonnette a sonné, tout simplement. Fait que je suis allé me présenter à ma porte et sous un faisceau luminaire, j'ai trouvé ce livre qu'on m'a remis qui est « La sagesse des anges ». Ah! Je me suis rendu compte que le faisceau luminaire, c'était juste que j'avais laissé mon ma flashlight sur mon cellulaire, fait que je l'ai éteint. Évidemment, ça m'a comme rappelé que j'avais une autre chronique dans le passé que je me suis dit que j'allais un jour amener, qui était ma chronique littéraire. Et c'est ce que je vais faire. Donc, ce livre, vous allez pouvoir le récupérer tantôt à l'encan. Je le laisse donc en l'encan. Très généreux. Wow. Il en manque du monde de même. Évidemment, qui dit sagesse des anges, dit ange, clairement. Et on commence avec un beau poème que je vous remets. Je pense que ça vaut la peine. Va chier. Oh. Il y a de l'énergie sexuelle dans la salle. Donc, les fossettes. Attention. Les fossettes. Il y a longtemps, bien longtemps, un bel ange vit un enfant qui dormait tout blanc et tout rose sous un rosier couvert de... Rose. Rose. Okay. Parce que rimer rose avec rose, c'est 2010. Bon, oui, c'est une rime riche. Kanye West. Oui. L'ange s'approche doucement pour ne pas réveiller l'enfant. Et du bout de ses doigts le touche aux deux coins de sa fraîche... Sacrement. Bouche. Ouais. Bravo. On a dit plate, fourche. Hein. Cet enfant était... Fourche. Fourche aurait marché. Fourche aurait été popé. Il peut, c'est un ange. Il est invisible. Le nombre de viols d'anges qu'on a, c'est constant. Hey boy. Dénoncer. Je pense qu'on vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Ouais. Fini avec ta sagesse. Là. Je commence avec ma sagesse. Ouais, ouais. Cet enfant était si joli que l'ange émerveillé se dit « Serait-ce un de mes petits frères qui s'est égaré sur la... » Proche. Roger. Non, terre. Ouais. Fougère. Fugère. Ah, or, l'ange, après avoir tâté, s'aperçut qu'il s'était trompé. Un peu triste, il dit, c'est dommage. Et vous s'envola vers les. Bravo, vous êtes bon. Mais fromage. L'ange, il est allé tripoter le bébé, puis il a dit, oh, c'est pas le bon, puis il est parti. Ben, il est pas comme nous autres. Et Dieu sait que les anges sont non sexuels, ils ont pas de sexe, donc non. Où est-ce qu'il a tâté pour savoir. Imagine si comment ils sont frustrés. mais sur les deux petites joues, les doigts ont fait deux petits trous. Hein? Et c'est depuis cette histoirette que les enfants ont des... Pissettes. Des pissettes. Or, le livre aussi contient un saviez-vous. Donc, on... Oh! Je pense que c'est important de s'informer sur les anges. Fuck you, man. Saviez-vous que l'ange est une créature purement spirituelle intermédiaire entre Dieu et les anges? Non. Qu'elle mange de la merde. Que les télégies... Comment tu savais que c'était une fille qui l'a faite? Ah, je parlais à l'ange en particulier, ah, okay. Là, mais elle aussi a peu d'en manger. Saviez-vous que les théologiens expliquent que les pères ont distingué parmi les anges trois hiérarchies, elles-mêmes subdivisées en trois cœurs? Bien sûr, le cœur 1, les séraphins, les chérubins et les trônes. Ben oui. Le cœur 2, les dominations, les vertus et les puissances. Ainsi que le cœur 3, les principautés, les archanges et les anges. Ben oui. Très important. Savez-vous qu'on a aussi donné le nom d'ange à un poisson marin, le squadinidé, à large tête et grande nageoire pectorale qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur? No way! Ce nom serait dû à sa forme intermédiaire entre la raie et le requin. On utilise sa peau en maroquinerie. Donc on suit surtout vers la raie, par contre. Beaucoup de raies, hein? Beaucoup. Savez-vous que l'angélisme est, bien sûr, un désir de pureté extrême? Évangélisme. On va sauter. Mais là, tous ces faits intéressants sur les anges. Si vous achetez ce livre-là, ce que vous allez découvrir, c'est qu'il y a beaucoup d'acrostiches et c'est super intéressant. Donc, à qui avez-vous donné votre cœur? Ne me dites pas que vous ne l'avez repris. Gardez-vous bien, amour, de me quitter ainsi. Et venez m'embrasser, mon ange, je vous prie. Est-ce que c'était à chier, man? Ah, c'est infect. C'est la chronique littéraire de Andy, c'est infect. Non, j'aime qu'il nous en parle, mais je trouve ça à chier. Ah oui, il est le messager, mais j'ai envie de faire mal. J'ai juste à dire que je suis à la page 3 de 40. Si vous achetez ce livre, à l'encan tantôt, vous allez avoir la recette d'Ossobuco de tante Angelina. Une recette. D'ailleurs, prenez vos crayons. C'est ça l'agenda. Prenez vos crayons, prenez vos téléphones. Je vous donne la recette live parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir l'acheter ce livre-là et je pense qu'il est unique. Alors, on y va. Un jarret de veau coupé en morceaux de 4 cm chacun, 30 grammes écart, 2 tasses de farine, on prend des notes. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de beurre. Est-ce qu'on peut remplacer l'huile d'olive par de l'huile de ricin? Oui, on peut. Une cuillère à thé de sel, du poivre du moulin, bonne chance de trouver le moulin, 2 oignons hachés, 1 cuillère à thé de basilic sèche, 1 boîte de tomates italiennes, 170 ml de tasse de vin blanc, 225 ml de consommé de bœuf, 2 cm à thé de zeste de citron. Ail émincé, persil plat, c'est beaucoup de mots dans une bouche. Combien de persil? Combien de persil? Est-ce qu'on pourrait m'amener tout l'équipement parce que je vais faire la cuisine live? Est-ce qu'on peut m'amener l'équipement, s'il vous plaît? OK, personne n'a l'équipement. Tommy est allé le chercher. Okay. Il est en route. Si vous voulez, j'ai d'autres acrostiches. On va t'installer aussi le miroir au-dessus. Voulez-vous un autre acrostiche? Ah, ben oui, les acrostiches, c'est nice. C'est quoi le mot? Ah, ben je ne dis pas. Ça vous le deviner. Ben oui. Est-ce que vous l'aviez deviné tantôt, l'acrostiche de tantôt? Non, c'était ange. Ange? Ah. Vous savez, c'est quoi un acrostiche, hein? Ouais. Non. OK, ben à chaque début, la première lettre, si tu en ligne les lettres. Ah oui, ça fait OK, ouais, ça. Fait qu'on y va. Un autre acrostiche. C'est un peu plus difficile, il y a plus de lettres dans celle-là. Ah, que l'amour m'enivre. Vous allez voir, il y a un thème. Ne vous l'avais-je assez répété? Gontran, je suis à prendre. Et on pense que c'est ange, mais il y a une twist à la fin. Agathe. Et si ce soir vous m'oubliez, Louis pourrait me surprendre. Angélique. Non. Ou vous ne serez pas. Oh, bravo! Au pluriel ou au singulier? Mais là, Andy, si j'ai bien compris, à chaque fois, la lettre E, ils ont dit E avec. Ouais. Ça sont vraiment forcés de trouver le mot qui fitait avec la lettre E. La fille, un, était touchée par les anges et deux, était très touchée par les anges. Ouais. Tout au creux de ma couche, sous les draps. Ah, c'est en fait, ça vient hard. Ouais, c'est ça, ça finit. Il y a aussi une histoire de 5 parties. Je vous le dis. Je pense qu'il faut que je décalisse. Hein? Ouais, OK. Ben, je vais vous laisser sur une parole de... Je vais vous laisser sur une parole de Pascal. Donc, l'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut que quiconque veut faire l'ange Pascal. Fait la bête. Oh, ben décolle. Oui. Bonne soirée, tout le monde. C'est ça. Hey, les garçons, bon. C'est la prochaine fois, promis. Ouais. Merci, Andy. Et va chier. Ah, sa grand-mère. Hey, mais t'aurais pu écouter la recette qu'il a donnée. Je vais si l'écouter en enregistrement. Si tu passes à un sujet presque parfait encore, tu vas pouvoir faire ça. Ah ben, je suis repassé dernièrement, on a enregistré, mais je pense pas que je vais repasser une troisième fois. Il y a des affaires qu'à un moment donné, trop de bonnes choses, faut arrêter. Mais j'ai bien hâte que... J'ai beaucoup plus hâte que vous voyez la fois que je suis passé là que comment j'ai eu hâte la première fois que je suis passé. Ah ouais? J'ai été en contrôle de la situation. J'ai fait une prière à Justin Trudeau au début du repas. Nice. J'ai fait des jeux de comme où est Charlie, mais sur les panneaux. Regarde-nous des punchs là, un peu là. Ben, tu vas voir, il y en a plein des punchs. On va l'oublier. De toute façon, c'est dans longtemps. C'est quoi, hey, on passe à d'autres choses. Ouais. OK? Toi, Emmanuel, dis-donc à Marianne de passer au prochain. Marianne. Ah non, c'est même pas ça. Non. C'est moi qui vais le dire. Là. Ah ouais? Marianne, là, tu as des compositions, toi, avec le projet Marianne, et tu voulais nous faire des chansons. Yes, monsieur. Est-ce qu'on est au moment où tu nous en fais une? Oui, mais en fait, je vais commencer par vous faire une interprétation pour faire changement. Hein, parce que ça m'arrive des fois de faire des interprétations. Fait que. On vous passe ça. Vous êtes prêts? Yeah! Interprète! 3, 4. Hey, Yann, il est là! Comme ça, mon nom, c'est Belzébuth. Personnellement, je trouve ça épais. Qui c'est qui peut bien vivre ici? Ça doit être une coupe de bourgeois. De toute façon, c'est plate à mort. Cette maison-là, c'est une attente. Maudit que ça a l'air le fun de mort. Montrez-moi de quoi qui va me surprendre. Le mois passé, j'ai vu une chatte. J'ai surnommé Elisabeth. Elisabeth et Belzébuth dans mes oreilles. Le beat est bon. Après ça, j'ai regardé à TV un documentaire sur les panthères. Il y a quelque chose qui m'a inspiré, mais les annonces me tapaient ses nerfs. Oh, demain, dimanche, un autre jour, je m'en fous. J'irai dans la ruelle, j'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je vive ma vie emprisonné dans ma petite tête. Je suis un félin insoumis, je tiens mordicus à bien paraître. C'est pas fait pour moi, c'est évident. Ça va finir par me tuer. Le look, l'air, l'odeur, l'ambiance m'enlève le goût de respirer. Le choc qui était là avant moi s'est suicidé dans le temps des fêtes. Un pessimiste avec une grosse tête qui avait de la suite dans les idées. C'est pas de ma faute, c'est à tout bout de champ. Il y a une joie intense qui monte à la tête. Ça m'a comme ça naturellement. Je suis chimiquement faite pour la fête. J'ai beau faire une tête d'enterrement, il y a personne qui me prend au sérieux. Je suis très jaloux, très secrètement, de la profondeur des malheureux. Ah, demain, dimanche, un autre jour, je m'en fous. J'irai dans la ruelle. J'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je vive ma vie emprisonnée dans ma petite tête. Je suis un félin insoumis. Je suis mordicus à bien paraître. Couché en rond dans mon petit coin, j'ai l'air d'un chat, j'ai l'air de rien. J'écoute parler mes petits bourgeois. Qui c'est qu'ils disent à mon sujet? Ça parle de griffes, ça parle de couilles. Ça met dans une drôle d'atmosphère. Ça me lève le poil, ça me fout la trouille. C'est quoi ça, un vétérinaire? Y'en a un des deux qui se vire vers moi. Y'a un air louche, ça a l'air sérieux. Y'est trop imbécile pour deviner toute la frayeur que j'ai dans les yeux. Ça y est, j'ai bien compris. Essaye de m'enterrer. Et vivant, vu Belzébuth, let's go, c'est temps. Sauf qui peut, sauf ta vie. Solo voi con mi pena, sola va mi condena. Correres mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre el Ciuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi mirada prohibida, dice la autoridad, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Merci beaucoup au projet Marianne. Yeah! On passe au prochain tout de suite. Ben oui. Il vient d'une galaxie bien étrange. C'est pas Bibi, c'est Simon Portelance. Merci. Comment qu'il va? Ben, il va très bien. Hey! Tu vois ou bien la pornographie en 2017, c'est overrated? Non. Non. Yeah. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, quand t'écoutes un film de cul, t'as genre, mettons, moderne, là, t'as genre 2 minutes d'histoire pour un ratio de 30 minutes de cul. Dans le temps de Bleu Nuit, là, c'était comme le contraire. Puis c'était pas vraiment du cul non plus. Là. Non, mais laisse-moi faire mon chemin. Et fait dire, hein? Les histoires d'un film de cul, c'est ça qui met toute la magie et la fantaisie. L'an passé, je me promenais dans la rue. J'ai trouvé une boîte remplie de films de cul de Bleu Nuit. Puis, oui! Sur VHS de Bleu Nuit. Oh, oui. Félicitations. Puis il était comme numéroté de numéro 001 à un nombre. Ben, tu sais, il y en avait une quinzaine dans la boîte, mais tu sais, j'avais la numéro 392. Oh, c'est-à-dire que le gars, il en tapait en hostie du Bleu Nuit. Est-ce que les numéros que t'as se suivent ou il y a comme jeté les moins bons? Non, c'est des numéros random dans la boîte, là, genre numéro 15, numéro 72. Fait que c'est quoi? Il y a peut-être un GPS là-dedans, il essaie de trouver du monde qui ont les mêmes passions. Peut-être, non, mais ben weird, en fait, toi. Il était sur le bord de la rue, puis c'était un gars qui s'en débarrassait d'une vente de garage, puis il m'a dit que le gars... Sa mère était tannée que ça remplisse les garde-robes. Mais le gars qui possédait ces cassettes-là, il est décédé. Fait que j'ai comme hérité de une partie de sa collection de films de cul de Bleu Nuit. T'as-tu passé de la sauge dessus? Non. Mais ça, c'est un vrai avantage de nos jours. Hein? Parce que de nos jours, tu peux demander à un de tes chums « delete ce folder-là ouais. si jamais je meurs ». Mais dans c'est ce temps-là, c'était un couch de VHS. C'est la clause historique dans mon testament. Ouais. Je suis sûr qu'il est mort par auto-suffocation. T'es comme mort! Oh! Oh! Oh! Oh! Ah, désolé. Fait que là, ce qui se passe, c'est que Chris, chez nous, j'ai une quinzaine de cassettes remplies de films de cul de Bleu Nuit, puis je ne savais pas vraiment écouter jusqu'à très récemment. En fin de semaine, j'ai fait le grand saut. Hey, c'est gentil, ça. Arrête, je suis bandé. Hein. J'ai fait le grand saut et j'ai regardé une des nombreuses cassettes de Bleu Nuit. Puis, quelle ne fut pas ma surprise, moi, je m'attendais à avoir beaucoup d'histoires, beaucoup de scènes folichonnes. Moi, je m'attendais comme, tu sais, à de quoi d'imager, à de quoi de réfléchir. Mais imaginez-vous que le gars qui enregistrait ces cassettes-là, il tapait juste les scènes de sexe, une après l'autre. Fait qu'il n'y avait pas d'histoire. Ça doit faire chier. Hey, ça faisait chier. Franchement. Là, j'étais là. Chris, moi, je suis là pour des histoires. Il y a juste du cul, tabarnak. Puis ça, je dis du cul, mais c'est pas la grosse affaire, là. T'sais, on voit à peine on voit un peu des seins, mais on voit rien d'autre, là. Hey. Fait que j'étais très déçu. Y a-tu gardé les annonces là-dedans aussi? Ouais, ben à un moment donné, il y avait comme une longue annonce de. Oh, il tapait aussi les annonces de Lavalife, puis les annonces. Les annonces de lignes érotiques, lui, tapait ça. Ça, c'est un gars qui avait pas accès à des catalogues Sears, là. Non. Sacrément. Mais au moins, dans ces histoires-là, il y avait un début, un milieu, puis une face. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'avec juste les scènes de cul une après l'autre, je pouvais pas savoir c'était quoi l'histoire. J'étais complètement déboussolé. Je comprenais rien. Tu faisais tous tes scénarios. Ben, je peux pas, j'ai pas d'indices. Quoi tu veux que j'imagine à partir de deux personnes qui couchent ensemble out of nowhere? Moi, je sais pas si c'était un livreur de pizza ou ben, si c'était un fleuriste. Il y avait un plombier. Il n'avait pas écrit dessus, il n'y avait pas son saut. Ben, ça termine tout le temps en se faisant venir d'en face. Fait que ça, c'est la fin. Là. Ouais, la fin, on l'a. Le milieu, le début, la face. La face. Moi, je veux que la pornographie, ça redevienne ça. Des films comme n'importe lequel, mais avec... deux scènes de cul par demi-heure. Je trouve que la vraie beauté de la vie est là, d'attendre. Puis tu sais, quand t'écoutais ça dans le temps, tu sais, moi, quand j'avais 12 ans, tu sais, j'écoutais Bleu Nuit, puis tu sais, c'était long, là, avant qu'il y ait du cul, puis tu l'attendais, puis ça créait le moment, ça créait le hype, comme on dit, tu sais. Là, quand elle arrive, la scène de cul, oh là là, oh, c'est chaud, oh, c'est chaud, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est chaud, oh, c'est chaud, oh. Fait que toi, t'aimes ton porn tantrique. Ben oui, c'est ça les vraies affaires là. Ah, puis je fais une autre parenthèse dans cassette, il y avait aussi que tu veux que je nomme tous les films de Bleu Nuit. Ok, ben Black Emmanuel, White Emmanuel, Black Emmanuel 2, Les Branches à Saint-Tropez, Coup de matraque avec Cynthia. Ça, je pense que c'est une autre chronique, une autre fois. On va faire ça vite, là. La on bonne, vient de le perdre. Le gigolo. 9 semaines et demie. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. On prend des notes à la maison, hein, ceux qui avaient encore leur crayon puis leur papier de la recette de l'Ossobuco, là. Tarzan l'homme singe. Avec Beau Derek, ça, c'était bon. Oh, hey, ben, wow. Merci. Hein, elle avait vraiment beaucoup de sein, par contre. Ça vient pimenter cette fin de chronique. Bon, ben, c'est ça. Fait que moi, je veux que ça redevienne avec des histoires. Puis de l'imagination, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est un beau message d'espoir. Merci. Ben oui. C'est Simon Portalance avec un appel à la créativité. Ouais. Merci, mec. Enfin, quelqu'un qui parle des vraies affaires, tabarnak. Toi, quand tu cherches du porn, as-tu un mot-clé en particulier? Ouais, moi, j'aime bien quand que le gars couche avec la fille. Puis là, la mère, elle rentre là-dedans, elle fait comme « Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Hey, tu fais pas ça correctement! » Puis elle est comme « Ah! Non! » Elle se donne au bout. Fait que c'est quoi le mot, c'est genre... Ah, j'y vais avec le feeling. T'sais, j'y... T'es pas du tout. Troll, mais je mets mon... C'est bon, c'est fair. Je pense que je réponds. Je pense qu'on est prêt à passer au prochain. Je suis pas mal sûr. Hey, moi! Voilà. Ben oui, Mathieu Boudreau! Ben oui. On te sent, je pense que tout le monde a peur. On te sent. Tout le monde est. Mes lips sont allumés. Voilà. C'est ça. Tu parlais tantôt de la Sainte Flanelle, Tommy. Oui. La Sainte Flanelle est une référence au tissu dont étaient faits les chandails à l'époque, qui étaient faits de flanalette. Hein, et la flanalette, ben, c'est quoi? Ah, c'est de la laine. Voilà. Ah, c'est logique. Tout est relié. C'est comme ça. Il y a un fil de réalité. Ouais. C'est juste que nous autres, hein, ben, on préfère voir ce qui nous plaît au moment où ça nous convient à nous. Hein. Il y a un dude qui est venu installer Internet chez nous samedi matin. Bon, je n'aimerais pas accompagner, là, parce que, anyway, je ne savais pas trop pour quelle compagnie il travaillait, le dude. Non, mais c'est vrai, le dude, il avait une veste de Bell. Il installait un modem e-box sur du filage Vidéotron. Puis il parlait au téléphone avec un gars de Cogeco. Dehors, son camion, il était tout blanc. Il n'y avait aucun nom de compagnie. C'était n'importe quoi. Mais encore là, c'est pas quelque chose pour vraiment me déranger. Tu sais, je sais qu'il y a un énorme problème là, de sous-traitance dans ces compagnies-là. Ça va mal à la shop. Fallait chier. Non, mais l'affaire, c'est que le dos... Tu vois, là, le monde sont contents. Ben, c'est ça. Je l'ai pas mal buildé de même, celle-là. L'affaire, c'est que le dos, c'était un hostie d'incompétent. Moi, travail pour n'importe qui, là, ça me va. Tu sais, Workship, Satan, Subway, je m'en calisse. Okay? Mais compétence, s'il vous plaît, compétence. C'est important. Il est arrivé à 8h40. 8h42, il vient me voir. Ouais, ben, ça marche pas. Internet rentre pas. Puis il me pointait le modem. Il peut pas rien faire pour l'instant. Appelle à ce numéro-là. Et là, il sort de mon appartement et va s'asseoir dans son camion. Il est 8h50. Samedi matin. Samedi matin. Là, moi, j'appelle à ce fameux numéro qu'il m'a laissé hein, pour tomber sur une charmante boîte vocale qui m'indique que les bureaux ouvrent à 10 heures. Il est 8h54. Mais j'ai compris, telle une soupe tiède d'anti-débrouillardise et de toute crue dans le bec. De 8h50 à 10h02, l'incompétence a mijoté dans son camion. Oui, mesdames et messieurs, l'incompétence a mijoté dans son camion, au chaud, comme dans un four, pendant une heure, comme dans une crise de recettes de soupe aux légumes. Moi, à 10 heures, j'ai appelé pour dire que ça faisait une heure que le dude était dans son camion à attendre que le ciel nous aide. Puis, ce que ça a fait, c'est super intéressant, c'est qu'eux autres, ils l'ont appelé à 10h01 pour y dire que le ciel, c'est lui. Personne d'autre que lui. Fait que fouille-moi comment il a réussi à trouver la solution, mais 2 minutes après être revenu dans mon appart, 10h03, il est revenu me voir, puis il m'a dit « Ouais, ben ça marche! » Et là, d'une redoutable humilité, à la limite de la pudeur, il a enchaîné avec la raison du pourquoi que ça ne fonctionnait pas, avec la grande révélation hein, sur la nature de ce conflit, l'origine de la faute, hein, une piste vers sa solution. J'avais pas rentré le bon code. Aïe, aïe. Quel connard. Vous formiez vraiment une bonne équipe. Moi, je suis comme... En boxeur, dude, j'ai pas assez bu de café pour que tu me dises ça. À compétence égale, t'appartiens l'avenir à ceux qui se lèvent tôt. Je te donne des sous, tu me donnes ton aide. Pour mon problème, t'as un remède. C'est ton travail. C'est ton métier. Quand je suis mal pris, il faut m'aider. Fait que j'ai dit, à cette heure des calices de chez nous, va chier. C'est comme ça que ça s'est terminé. Oui, j'ai eu Internet là, pendant 5 minutes, mais j'ai décidé de bidouiller dans mon ordi. Puis là, ça fait 3 jours, j'essaie de trouver quelqu'un pour m'aider à le réparer. Hey, toutes bon. Ces notifications Facebook. Fait, ben voilà, voilà. Sinon, ben, shout-out, là, je décalisse. Merci. Yeah! Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Ben ouais, tabarnak! Qui vous rappelle de ne pas faire affaire avec la compagnie Cogeco, Bell, Vidéotron. Christ. De Mathieu de sa hey, même pas de. Comment d'internet. Ça se passe dans 70%? Hey, ça va super bien, man. Ben toi, ben Schmuck ouais. is in the house. Yes, sir. Notre danseur radiophonique qui yeah. transporte la pancarte fièrement. Elle vient faire des push-ups ici, le Chinook. Ça va nous remettre en pleine forme, ça. Let's go, fais des push-ups. Mets-toi à terre là, fais des push-ups. Là. Tab. C'est ça, OK? Tabarn. Hey, c'est bon. Ben, il est presque pas... Puis toi, sinon, j'ai pas dit d'arrêter. J'ai pas dit de demain. Yes! Yeah, oh, on voulait la quantité, pas la qualité. Chinook est de retour. On salue ben Chinook. Ben oui! Chris, il est en forme, hein? Direct ouais. dans la scène d'entraînement. J'y ai tout montré. Astor, c'est capable de répondre. Avoir des triceps demain, mais il doit se crosser en esti. Oui. Sinon, Jérémy Alain. Ben oui, mon chum. On arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Et là, toi, t'es rendu avec un podcast. T'es rendu... Yes. T'es nice en train podcast. De créer le Jérémy Verse. Si on veut se tenir au courant de ça, c'est quoi la meilleure source d'information pour le Jérémyverse? Jérémyverse, je ne sais pas. Mais la page WhatsApp Podcast, si le monde veut aller l'écouter... C'est couilleux hein, de prendre un nom en anglais. Pour... Sérieusement, j'ai essayé d'en trouver un en français. Ouais. Quoi de neuf? Il n'y a rien qui sonnait vraiment cool. Okay. Honnêtement, ça sonne... la version française sonne souvent limite gay des fois. Là. Je suis sur un donjon. Thunder ouais. Flaming Sword, ça a l'air hot, mais ouais. L'épée d'éclair enflammé, ça fait vraiment la flèche d'acide de même. Non, mais, ou sinon, ouais. Pas un exemple, genre le mot « partner » puis « partenaire », tu sais. Ouais. C'est tout. Quand tu le dis, ça peut avoir une différente, un différent contexte. Ouais. Fait que WhatsApp Podcast pour WhatsApp Podcast, courant. Man, vous pouvez m'écouter là-dessus. Puis j'ai même entendu mes anecdotes. Dire que tu étais pour m'inviter à un moment donné. Yes! Oh, je cherche le bon moment, pour vrai. Oh, là, parce que c'était un podcast sur les humoristes, mais j'aimerais ça qu'il y en ait un sur les podcasts en général. OK. Ben fait que j'aimerais ça que tu viennes là-dessus. Ben moi, je faisais des shows avant d'humour. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait de l'argent pour être... c'est avant de te connaître, Mathieu. On a des vidéos. On a des vidéos pour le prouver. Ah non, mais en fait, on va s'en aller vers les derniers chroniqueurs. D'accord. On se fera des chatouilles tantôt. C'est parfait. C'est vraiment bon, ton show. Je t'attends à ça, mes chatouilles. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai vu mes chatouilles. Ah ouais. C'est bon. Allez, let's go, Marianne. On passe au prochain. S'il vous plaît. Toby garçon, c'est un beau garçon, une fille, je sais pas trop. Toby garçon, Toby garçon, Toby garçon. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Toi, t'es la préposée au poulet. Et on reconnaît Jacinthe. Salut Jacinthe. Bonjour, Toby, ça va bien? Ça va, ouais. Je suis pas sûr. Oublie pas de prendre ton micro pour nous parler parce que sinon. Il y a du kiwi. Juste à côté du poulet cru. Il y a des accessoires. Pour les gens à la maison, il y a des accessoires qui viennent d'arriver. Il y a du poil et du kiwi, souvent un mauvais mélange. C'est très vrai. C'est très vrai. La raison pourquoi elle m'a apporté le poulet, c'est que j'ai montré comment manger une graine comme du monde. Oh! Puis je suis passé ici au spécial de la Saint-Valentin dernier et on m'a averti, Tommy personnellement m'a averti, Jacinthe est en time-out parce que c'est vraiment trop extrême pour notre show. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais essayer de rendre ça plus terre-à-terre, plus correct, plus mainstream. Fait que je vais vous faire une émission de cuisine! Est-ce que ça vous tente? C'est la thématique, c'est bon. Et j'ai appelé cette chronique « Jacinthe sur le grill ». Et aujourd'hui, Jacinthe va vous montrer comment cuire un poulet comme du monde. Pauvre poulet. Cogne. Au début, je voulais avec une dinde. Au début, je voulais y aller avec une dinde. Mais là, quand j'ai vu le prix de la dinde, je me suis dit « Tabarnak, je suis une prostituée. Est-ce que ça fait juste deux graines que je suce depuis deux jours. Fait que je peux pas m'en permettre beaucoup. Fait que la seule chose que j'ai pu me payer... C'est un poulet. Un demi-poulet. Mais non! C'est un demi, ça? Ben. T'en manques un bout, ma chère. Inquiète pas, à la fin de la soirée, ça sera pas juste un demi, ça va être plein de morceaux. Je pense que le malaise reste entier. Exactement! Hey, comment là, j'ai décidé de faire une émission de cuisine pour tout le monde. Relax, ceci. Oh, t'es trop extrême. Va chier. Hey, je vais vous montrer comment cuisiner un poulet comme du monde. Donc, première chose qu'il faut se dire, c'est que la première chose que tu fais quand tu cuis un poulet, c'est qu'il faut que tu mettes de l'huile de canola dessus. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je suis crissement pauvre. Fait que la seule chose que j'avais sur moi, c'était du loup. Fait qu'on va y coller un peu de loupe dessus, comme ça. Oh, comme yeah. Ça. Du loupe de Marc KY. Hein? Comme dans la célèbre émission du KY et des hommes. C'est le... C'est une émission de cuisine. Ah, oui. Ils montraient des recettes. Oui. La palourde royale. Du KY et des hommes. J'ai peut-être l'air pauvre en sortant ce lubrifiant-là, mais c'est le seul lubrifiant qui mérite pas la plotte. Fait que là, on commence. Là j'essaie, est-ce qu'on peut remplacer le KY par du personnel ou une marque? C'est ça, je pense que c'est du sperme. Oui, mais c'est comme tu veux, hein. C'est selon le degré de sensibilité de ta plotte. Parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai une plotte, ça fait à peu près 7 mois que j'ai une plotte. Puis il y a du monde qui me disent des fois, genre, hey, ça paraît que t'as un pénis! Je leur dis « Wow! C'est parce que j'ai des grosses lèvres! » Ça, c'est un vagin! Merci! Donc! Tabarnak! Je trouve que toutes les émissions de cuisine qui passent en ce moment à TV sont tout le temps, c'est tout dans la même colisse d'affaires. On va faire un petit poulet assis. Oups! On va faire un petit c'est poulet assis. Merci de m'avoir touché, c'était vraiment plaisant. J'ai un salut. Ben, c'est juste pour que tu sois à l'écran, je pense. Parce, okay, que, parce que le malaise doit se transporter pour toujours, parfait. Partout. Tu sais. Dans le hors-champ. Est-ce que moi, je trouve que, moi, tu sais, moi, à la base, je suis sexologue des prostituées. Je suis pas une cuisinière professionnelle. Je suis horrible. Je suis même pas capable de faire un craft dinner. Fait que là, quand je me suis dit, OK, je vais faire une émission de cuisine, j'ai besoin d'innover. Fait que ça tombe bien parce que la raison pourquoi vous m'avez pas vu les derniers mois, c'est que j'étais dans un safari avec mon pimp. Mais contrairement à toutes les safaris, je tuais pas des animaux, je les ai toutes fourrées. Toutes! Ben, toutes, c'est un grand mot parce que je me suis arrêté au rhinocéros parce que je commençais à voir la plotte enflée. Faut-tu pas du kiwi dans ce temps-là? Là, je me suis dit... Je me suis dit, tant qu'à fourrer un esti de l'affaire avec la corne, je me suis dit, dans un an, je vais revenir, puis je vais être en forme, esti, puis je vais avoir des enflées, puis là, je vais pouvoir m'asseoir sur ta corne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai amené une couple d'affaires vraiment intéressantes de mon safari sexuel. Parce que là, à date, t'as enrobé ton poulet cru de KY. Oui, puis exactement. Puis t'as parlé de ton safari c'est en là qu'on est rendu. Là, tu le flottes comme ça, comme ça, là, tu le caresses comme ça qu'il soit badigeonné. Puis ensuite de ça... Oh, yeah. Essaye de pas trop changer de main souvent sur le micro. T'es-tu capable de l'ouvrir? T'es-tu capable de l'ouvrir? C'est trop miné. Ah, calvaire. C'est quoi cette merde-là? Hey, tabarnak, c'est du loup, ben, c'est de con. Non, non, mais... Il y a quand même un peu de salmonelle aussi. Ah oui, ouvre-moi ça. Calice. Puis toi, tu vas m'ouvrir mon deuxième pot. Non, je te dis. Il n'y a pas de salmonelle dessus. Je m'en occupe. Non, non, il n'y a pas. Tu as l'air plus louche que moi et tout. Il n'y a pas de salmonelle là-dessus, il y a juste du sida. Ouais. Fait que. Utilise ta bouche, t'as mis. Oh, le meilleur sida. Hein? Exactement. Le meilleur sida de qualité. Sida en ville. Oh. Les techniciens se sont en. C'est parfait, je suis bon, avec ça. Oh non! Livre Jacin de l'aune. Pas de problème avec ça. C'est bon, là. Je suis habitué de me faire taper sur un podium. C'est bon, ça c'est là. C'est bon, mais... Non. OK! Hey, et donc, puis avec sa salmonelle... Sa bouche, c'est un extra. Non. Vous allez continuer là, l'émission de cuisine avec moi. Oui. J'essaie sur la grippe. On est donc, avec toi, Jacin. La Martha Stewart des pauvres. Oh. Si, exactement. Donc, premier ingrédient que j'ai eu dans mon safari sexuel, du menstru de chauve-souris. Ah! Tu y mets ça dessus... J'aimerais savoir ma deuxième bouteille, s'il vous plaît. Je l'ai mis quelque part par là. OK. Je la trouve pas. Ah, fuck, elle est tombée. Ça va tout gâcher la recette, Tommy. OK, deuxième ingrédient. Juste le momentum, mais... Du smegma d'écrevisse. Le meilleur. Là, ça commence à être popé. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, mon dernier ingrédient, de la sligorne de babouin. La sligorne, pour ceux qui ne savent pas, c'est le poil sec qui te pogne dans le poil de cul quand t'as oublié de t'essuyer comme du monde. Donc, là, on a tous nos ingrédients comme du monde. Là, je le badigeonne comme ça. Puis là, je suis en train de me dire... Bon appétit. OK, là, je suis en train de me dire, mon poulet, il s'en vient popé prêt. Mais... Pour les besoins de l'émission, je vais demander une assistance de la foule, un chef cuisinier d'expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait disponible? Non. T'aimes ça le poulet cru? Mais des calicites! Ah ouais, mais hey, bienvenue à Jacinthe sur la grille, ça va être vraiment le fun. C'est Daniel Vézina. OK, bonjour, comment tu t'appelles, mon beau? Je m'appelle Alphonse, je viens de Valleyfield. Ah, tu viens de Valleyfield? Ah, chanté. C'est vraiment un très, très beau coin. Hé, dis-moi, qu'est-ce que tu viens coller ici? Ben, comme les régates sont pas commencées, je suis passé dans le coin, je voulais me prendre une quille de Wildcat Dry, mais il n'y a pas ici de calice. T'as aucune chance d'avoir de la Wildcat Dry ici, si c'est un esti de bord de microbrasserie de fif. Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir nous aider avec notre émission de cuisine aujourd'hui, mon beau Alphonse? Comme ma grand-mère m'a toujours montré dans sa shed, je traîne toujours un glaive dans mes shorts. Puis, faut que tu mets... Un glaive? Ouais, un glaive. Comme dans Conan le Barbare? Comme dans un destructeur. Un destructeur, la deuxième. Richard Fletcher. Le meilleur Conan, ben oui. Oui, tout à fait. Mais, faut que tu mettes un sac Ziploc dessus. Ouais. Pour pas que ta visite appogne la salmonelle vérinienne. Hey, vraiment, c'est vraiment cool de ta part de penser aux gens. Ouais, puis on va checker la température du poulet. OK. Juste, mets-le sur l'assiette, s'il te plaît. J'ai vraiment l'impression que c'est du temps que je reverrai jamais dans ma vie. Attends, c'est trop tight. C'est comme ma cousine de trisomique, je vais un petit peu l'attendre. Là, c'est. Là, tu vas pas y aller. Ouais. Okay. C'est le podcast avec le plus de salmonelle que j'aurais. 70% de salmonelle. Bon, mais je te remercie beaucoup, mon beau Alphonse, pour l'aide que tu m'as apportée, même si j'ai aucune calice idée de ce que ça a fait à mon poulet. Merci beaucoup, Alphonse, tu peux décalisser. Mais ouais! Tu m'entendras dans Ruelle, m'a tussé pour 5 piastres. OK, bye-bye, mon beau. J'ai pas une scène, faut que j'aille porter mes poutines vides. OK, OK. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode mainstream de Jacinthe sur le grill. Bravo! Ouais, c'était le cœur, hein! Hey! Oh, yeah! Bonne soirée, tout le monde! Yeah! Ben oui! Merci, Jacinthe. Va hiberner pendant une couple de saisons, là. Tabarnak! Calice d'hostie, qu'est-ce que c'est? Dégage le sexe! Ça a même sorti ma lettre de la console, hein, ce qu'on vient de vivre. C'est Jérémy Alain, hein. Tout le monde s'est revêtu de ses plus beaux atours. Ben oui! Son poulet le plus cru. C'est ça que j'attire? Calice! Hein, faut pas, mais j'attire des putes. Marianne? L'univers, c'est exceptionnel. Avec. Hey, je m'excuse. En fait, Manu, tu viens d'être blowé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient avec toi. C'est pas n'importe qui, c'est Richard Saint-Tiroir! Ouais! C'est pas le micro salmonelle, ça? Non, c'est ça. On l'a banni. Ça fait... je travaille à Ville d'Anjou, j'habite à Saint-Jérôme, puis entre les deux, il y a ici le pub Brouhaha tous les lundis, puis ça fait plusieurs fois que je viens. Puis aujourd'hui, je me disais, je vais leur donner une dernière chance. Non, mais je comprends pas quand le monde me dit hey, vous alliez loin dans le temps d'RBO. Je comprends jamais ce qui se passe ici. Nous non plus, c'est correct. Je comprends jamais. Non, mais là, c'est pas une chronique que je fais ce soir. C'est je vais comment on dit, jeter un pavé dans la mare. Ouais, non, c'est parce que j'écoutais la magnifique version de la chanson des Colocs, puis je voulais vous raconter un mauvais souvenir. Ça fait plaisir. La version était extraordinaire, magnifique, bravo, très très beau. Quand est-ce qu'il y en a qui ont connu l'émission Sans Limite ici? Vous êtes toutes jeunes. Ouais, ouais. Le gars qui faisait le montage de nos magnifiques reportages à l'émission Sans Limite s'appelait Dédé Fortin, le gars des Colocs. Dédé a travaillé avec nous pendant plusieurs années avant de faire ses clips. Puis le seul vrai regret que j'ai dans ma carrière, à part d'avoir fait une mauvaise pub dans un gala des prix Gémeaux, c'est le seul vrai regret que j'ai dans ma vie, c'est pour ça que je parle de ça, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de chronique drôle ce soir, c'est que Dédé faisait nos montages, puis un soir, dans une salle de montage, vers minuit et demi, il m'a dit « Richard, je fais des chansons avec un band qui s'appelle Les Colocs, j'aimerais ça que tu écoutes ça. » Puis j'ai dit « J'ai pas le temps. » Oh. Puis après ça, la radio te l'a imposé pendant 20 ans. Je sortais avec une fille qui s'appelait Julie pendant 3 ans. Puis son père était le big boss de Provigo. Puis la première fois que Julie a joué à la radio chez ma copine, on recevait des téléphones, puis il disait qu'il avait fait une chanson sur notre couple. Ce qui n'était pas le cas, mais le soir d'un show des Colocs au Spectrum, show qui est dans le film des Colocs d'ailleurs, Dédé a dit sur scène que cette chanson-là n'était pas l'histoire de ma vie avec Julie. Fait qu'après le gars des poulets, ce que je vous raconte, c'est inintéressant. Ben, c'est différent. Ça a pas de... J'avoue que t'es ouais. allé insider non, mais, beaucoup. Mais quand il y a un build-up... Ben, c'est nice. C'est pas grave, il n'y a pas de salmonelle là-dedans, fait c'est cool. Non, mais ça, j'ai pas de magnifique. Non, non, c'est... Avec, c'est tu peux Isabelle, licher ce micro sans danger. C'est Isabelle qui a passé. C'est ça son prénom, Isabelle qui a passé. Oui. C'est Isabelle? De... Jacinthe. Isabelle, ça se ouais. dit. Ah, Isabelle, c'est poulet. Isabelle. Jacinthe, oui. Je disais, le build-up Jacinthe, est tellement bon. Le build-up de la soirée est tellement bon, même si je comprends pas ce qui se passe, que je peux juste être comme Downer un peu. Ah, ben, je, on, alors, tout ça on pour a dire appris que... à t'apprécier, Richard, pareil. Ah. D'ailleurs, c'est ta fête samedi prochain au musée. Oui. Ah. Oui. Oh! Tout le monde est le bienvenu, on va faire des burgers, puis il va y avoir du lard en masse. Brièvement, j'ai jamais eu de fête de ma vie. C'est vrai. C'est pour ça qu'on j'ai jamais eu de première journée d'école, j'ai jamais eu de dernière journée d'école. Je vous conterai ça dans une future... Mais j'ai jamais eu de fête parce que ma fête, c'est le 19 juillet. Puis quand j'ai commencé à travailler à C'est quoi, il y avait un gars qui s'appelait François Pérusse. Puis j'avais pas d'amis, puis c'était le 19 juillet, puis j'ai demandé à François que je connaissais pas s'il voulait venir à ma fête. Puis on était deux. C'était tellement triste. Puis là, on a été s'acheter de la bière au dépanneur pas loin. Il était 4 heures. Puis le François, il dit, on va aller en racheter d'autres. Puis là, on a bu... bon, Jack, ça fait longtemps qu'on espère qu'il vienne, lui. Ben, ça le fun. Ben oui, ben, tu nous plugueras, là, c'est ton chum. Puis une autre année... Une autre année. Tu diras que c'est pour ta fête. Ce soir, c'est toutes mes anecdotes de loser, OK? Ben, t'en as fait dans le passé aussi. J'en ai beaucoup. Ma fête, c'est le 19 juillet. Et je travaillais à la radio avec un gars qui s'appelle Louis Morissette, le chum de Véro. Ben oui, ben et oui. Et Louis, sa fête, c'est le 19 juillet. Fait que là, on a décidé de s'organiser un tournoi de golf. Ouais. Pour ceux qui étaient nés le 19 juillet, mais pour tous ceux qui voulaient venir. Et on était deux. Même pas assez faire un foursome. Non, on était deux, c'était ridicule, c'était vraiment loser. Puis là, la porte s'est ouverte, la porte s'est ouverte ou ouverte, comment on conjugue ça? Ouvergue. La porte s'est ouverte. Je sais pas, c'est... Alors, la porte s'est ouverte avec mon ami Tommy Godet, que j'adore depuis qu'il m'a donné les autographes des deux filles de Shining, les deux jumelles. J'espère un petit peu avant aussi, là. Oui. Je t'ai pas acheté ton amour. Non, mais là, ça a été comme une vague de mariage. Parce que... J'ai une collection complètement ridicule de collectionner des affaires du film de Shining. J'ai même été dormir dans la chambre 237, mais qui n'est pas la même chambre qu'à l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, ils ne voulaient pas que le numéro de chambre porte le même numéro que dans le film, parce qu'ils disaient qu'ils allaient perdre des ben clients. Oui, ben oui. Red, red. Fait que là, un jour, Tommy m'a donné les autographes des deux filles, des deux jumelles Shining. Puis là, la porte s'est ouverte. T'as-tu vu quelqu'un tout nu? Si. T'as vu quelqu'un tout nu? Non, mais j'ai pris un bain dans le même bain que la vieille madame là, qui est... Ouais. Ouais. C'est un petit peu... Pour les fans du Shining, ça avait l'air de sentir mauvais dans ce bain-là. Ouais. C'est bizarre parce que dans cet hôtel-là, quand j'y étais, c'était au mois de juin, puis la chambre du film coûte 10 fois plus cher que toutes les autres. Ah oui, c'est sûr. Puis il y avait une boutique souvenir avec toutes des affiches de Jack Nicholson, plein de sang, puis des couteaux. Ça, c'était à droite. C'est juste des affaires de Shining. Puis à gauche, il y avait un mariage d'art de la musique romantique. All right. Là, tout le monde dit, on va rire un peu, mais c'est moins drôle que le gars du poulet ou de la fille. Mais je voulais vous dire, je voulais te remercier, Tommy, d'organiser une fête samedi qui vient au Musée de l'Absurde. Et j'en profite pour t'acheter, pour te donner un pot de vin, parce que j'aimerais parler de quelque chose vite. Je suis très... Ben, ça fait longtemps que tu parles aussi. Oui, là. En plus, je voulais juste parler 2 minutes. Non, mais il y a quelques semaines, ici, on a fait une soirée Commons. C'est une application pour iPhone extrêmement déficitaire. 2M2T. Oui, 2M2T, extrêmement déficitaire. On a fait une soirée ici. C'est la première. Vous nous avez donné la chance. Puis il va y en avoir juste une deuxième. C'est dimanche qui vient au Catacombes à 10h, à 22h. Et il y a plusieurs personnes ici qui écrivent sur Commons. Les pile-poils sont très, très drôles. Johnny Pub, Ben aussi. Plusieurs personnes qui écrivent des commentaires sur l'actualité très drôles. Alors, si vous voulez venir dimanche soir au Catacombes, ce serait cool. J'ai des billets à vendre. Puis en échange de tout ça, j'ai décidé de te passer le flambeau, Tommy, parce que je t'aime beaucoup. Attends, je vais te donner un cadeau. Oh! Le poulet. Tu me donnes un cadeau pour ta fête. Asti, ça marche pas pantoute. Ah, j'adore ça, let's go! Okay. Non, mais ça, j'essaie d'être non productif depuis quelques années dans ma vie. Il y a quelques années, j'ai décidé de collectionner tous les magazines de Reader's Digest depuis le début. Je les avais toutes depuis 1954, je pense. Calvaire, ça va. Ça, c'est la chose, jamais ouvert un, mais... C'est la chose la plus creep que j'ai jamais entendue. Et t'en as entendu des choses. Toutes. Il m'en manquait pas un. Je sais pas comment ça valait, mais je voulais faire quelque chose de complètement inutile. Vraiment. Puis je n'ai jamais ouvert un, mais j'avais tous les Reader's Digest depuis qu'ils existent. Hey, j'ai donné ça un peu. Hein? J'ai donné ça à mon frère qui avait flambé je ne sais pas combien au casino, puis il a tout vendu ma collection pour 20$. Ça, c'est celui qui a rendu une fierté nationale? Non, c'est, non lui, t'en la fierté nationale, lui. C'est mon deuxième frère. Je veux le planning drôle. Mon deuxième frère. Et j'ai déjà collectionné des cartes de lutte parce que j'aime pas la lutte. Puis je te donne ma collection de cartes de lutte ce soir. What? Oh! Cadeau. Tu vas pouvoir te faire lire ton avenir. Tu peux déballer ton cadeau si tu veux. Ah, oh, chesna. Ça serait drôle qu'il loue, ça soit le poulet. Pour m'avoir donné... Cadeau! Surprise! Ah, il y en a vraiment beaucoup. Oh, alors, hé là là! Ils sont tous là. Ils sont tous là. Attention, Tommy, tu vas les donner à Salmonelle. Ça va être au Junkyard Dogs. Fabulous Moula. Hey, je suis conquis. J'en connais pas un. J. Strongbow. Tu vas-tu pleurer? Un petit peu. OK. Charles de Tiroir. Merci. Le 15 juillet, au Musée de l'Absurde. Absolument. Ça va être ta fête. Oui. Ça va être ta fête. Yes, sir. J'en essaye. Oh, oui. Wow, il s'en passe des... T'attendais-tu à vivre des émotions de même? Hey, vraiment pas. Gros lundi. C'est ignorant qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est si cool. Si je te dis, parle-moi de ma mère, dis quelque chose. Elle est très belle, ta mère. Ouais. Je suis pas convaincu. Comme tu l'avais fourré. Je suis pas convaincu. Son cousin. Hé, hey, hâte, ma mère. Hey, tout à l'heure, il parlait de l'hôtel de Shining. Oui. Ça serait drôle qu'il y ait encore Jack Nicholson, genre, gelé là, ouais. Sur la place. Puis encore une fois, ils vendent des porte-clés. Ils sortent à toutes les neiges. Non, ça coûte 5$ aller se faire un selfie avec. C'est-tu que ça serait bon? Tous ceux qui sont fans sont comme, il est là, puis Jérémy Alain, moi, je veux le dire en public devant tout le monde. Vas-y. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent que t'es fatiguant. Hey! Hey, ce monde-là sont trop à jeun pour nous autres, OK? C'est là? Ça, on va se le dire! Let's go, on passe au dernier. Les nouvelles avec Emmanuel deviennent exceptionnelles. Merci, Marianne. Peut-être que PETA, hein, l'Association pour un traitement éthique des animaux, aurait pu trouver une meilleure façon de sensibiliser les gens à la maltraitance des animaux de boucherie que de se tourner vers Twitter et les interwebs. Hein? En effet, demandez à tout le monde sur Twitter « Quels sont vos meilleurs arguments pour manger du bacon? » n'est peut-être pas une bonne idée. L'Internet n'en demandait pas tant pour acquiescer à cette demande, inondant le compte Twitter de PETA, de propagande pro-bacon et de gifs de Ron Swanson, le personnage de Nick Offerman dans Parks and Recs, avatar de l'amour du bacon sur Terre, bien sûr. Ils se sont même fait troller à répétition par Orrin Hatch, un sénateur républicain de l'Utah. Alors, bacon 1, PETA 0. Ça aurait été drôle d'un commentaire qui a comme « Explore! » Aucun rapport. Ça le fait. Une alerte à la bombe a forcé l'évacuation d'un quadrilatère de la ville de New York alors que des travailleurs de la construction sont tombés sur ce qui ressemblait à une bombe de la Deuxième Guerre mondiale en faisant des travaux d'excavation. Après que l'escouade anti-bombe ait déterminé que l'objet était sans danger, on a appris qu'il s'agissait d'une capsule temporelle. Oh! Assez surprenant, ça. Tu sais, les affaires que t'enterres pour les générations. En forme de bombe de la Deuxième Guerre mondiale. John, attends. John Argento, l'ancien propriétaire du Danceteria, un club mythique qui a été fréquenté, entre autres, par Madonna, les Rolling Stones et Andy Warhol, responsable de la capsule, affirme que personne ne devait découvrir la capsule avant encore 10 000 ans. Fait qu'il l'a enterré à New York, tu sais. ce qu'il y avait à l'intérieur et la raison sûrement très, très, très futée d'avoir donné à la capsule la forme d'un engin explosif archaïque demeure un mystère. Il faudra entendre encore quelques millénaires. Là. Il va-tu la réenterrer? Là? Hey, ça 10 serait 000 ans, donne-nous un break, dude. Ça serait drôle qu'il ait mis genre sa vieille porn là-dedans. Sûrement, des cassettes de Bleu Nuit. C'est son trésor, il est comme, elle trouvera pas ça, bonne femme, tabarnak. Ah oui. Peut-être que dans le futur, hein, moi j'imagine le monde être turn-on par les vieux ouvre-boîtes là, qu'il faut que tu tournes. Là, tu demandes à la fille de tourner. Là. La tourne. On va laisser Tommy tout seul dans ses pensées. Et on va y aller pour la dernière nouvelle. Là, suivez-moi, là, c'est... Il se passe pas mal d'affaires. Là. Oh, oh, Uloma Curry-Walker, une femme de 45 ans de Cleveland, est accusée d'avoir fait tuer son mari pour toucher la prime d'assurance-vie de 100 000 $. Le plan était pourtant sans faille. Demander à sa jeune fille de 17 ans et son petit copain de trouver quelqu'un capable de tuer son mari récent de 4 mois. Ça faisait 4 mois qu'il s'était marié. Et se servir de la prime pour éponger ses dizaines de milliers de dollars de dettes. Elle a donc donné 1 000 $ en acompte à Chad Padgett, le chum de sa fille, avec lequel il a engagé son cousin Chris Hine. Oh, tabarnak! Ce dernier, ayant manqué sa première tentative d'assassinat, a donc fait appel à Ryan Doherty pour faire la salle de zague. Ce qu'il fit avec succès, hein, tirant le gars dans une ruelle. On est rendu à 5 personnes impliquées, dont une mineure, pour un plan alambiqué au possible et qui était voué à l'échec dès le départ. En effet, William Walker, la victime, n'avait pas mis à jour sa paperasse. La bénéficiaire de l'assurance vie était donc toujours, au moment du meurtre, son ancienne femme. le karma. Hey. Tout ce beau monde se mérite, pourrait se mériter des sentences allant de 18 ans d'emprisonnement jusqu'à la prison à vie, sauf pour la jeune fille qui est traitée au juvénile pour genre un mois. Là, tabarnak, c'est vraiment beaucoup de cash. Je l'avais dit de me le suivre. Le gars, il était entouré d'imbéciles. Là, puis il est mort pareil. Il est mort? Vraiment beaucoup de caves, là! Ce que je me dis... Il y a 6 personnages! Ils sont tous plus cons les uns que les autres! Si c'est l'ex-femme qui est derrière tout ça, c'est une génie. Oh, en ce moment, là... En ce moment, sérieux, tout ce qui manque, là, c'est genre Yann Grondin qui fait comme... Vous aussi, vous direz, c'est incroyable! Merci beaucoup, Jérémy Alain! Ouais. Hey, là-dessus, on écoute une dernière chanson de Marianne et son projet. Ouais. Et ensuite, on finit 70%. Merci d'être avec nous. Let's go, Marianne! De ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, mais regardons à gauche. Dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés. D'en profiter. Qu'il y a des sacs sur les rivages, que sur les rues il y a des bombes qui tic-tac au rythme où va le monde. À force de courir, on oublie comment marcher, et que pour sauver le monde, il faut d'abord s'aimer. Depuis que je marche lentement, j'apprends à prendre mon temps. je regarde les choses pousser, les papillons s'y poser. Je me dis qu'on a beaucoup, beaucoup trop de choses dans la tête, qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut pas changer, et que le secret des gens heureux, c'est juste de faire de son mieux. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ah, regardons à gauche, ah, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience. Si tu n'aimes pas la vue à droite, ah, ah, ben regardons à gauche, oh, dis-toi que la vie est belle, qu'elle mérite qu'on profite d'elle. Je ne dis pas de ne pas voir, mais bien de prendre conscience de l'infinie beauté dont nous sommes entourés, d'en profiter. Merci beaucoup, Marianne, projet Marianne. Hey Tommy, on est en show au Balatou le 26. Ça va être malade avec drum, saxophone, flûte traversière, guitare électrique. Ça Marianne, est-ce que tu viens de me dire que le projet Marianne est en show le 26 juillet? Yes, le 26 de juillet, on est là au Balatou. Ça va être un gros show, pas trop cher, à 7$, ça devrait être quelque chose de vraiment bien. Pour le reste, venez nous voir sur notre Bandcamp, on a des belles chansons pis tout. On va faire des shows, yeah! Et voilà, merci beaucoup à notre house-band de la soirée. Le projet Marianne, composé de JF Cardinal, des Marianne TG. Là-dessus, merci beaucoup à tous les techniciens, merci beaucoup à tous les chroniqueurs, merci beaucoup à vous, public, sans qui on aurait fait ça dans le beurre. Merci à papa, je t'aime papa. Ça, il est là, il fait son gêné. À partir de maintenant, on va passer le contrôle de la soirée à deux VJ. Vous avez chacun des projectiles. Laissez-vous aller, hein? On est entre nous autres. Si vous avez des émotions qui montent, ça vaut la peine de les laisser aller. Et d'ailleurs, avant de se lancer dans le visionnement, on va regarder les règlements de notre club de visionnement. Numéro 1, on parle à tout le monde du club. Numéro 2, attention, très important, on parle à tout le monde du club. Numéro 3, si quelqu'un chiale, se plaint ou engueule, c'est signe que le visionnement s'éloigne de la neutralité. 4, jamais aucun projectile sur des êtres vivants, sinon on va consulter. 5, on assume ce qui nous passe par la tête. Et 6, si c'est votre première soirée, vous devez vous poser au moins une question. Pourquoi tu veux que... C'est ça, je viens de gagner. Là-dessus, ben, on passe en clip. Merci beaucoup d'être là, c'est la fin de 70%, et toujours toutes ces dents douteux, douteux point or. Douteux point or. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. C'est vraiment, vraiment de la marde. On est devant un objet culturel. Moi, j'aime tout le temps ça, dire on écoute des choses différentes, mais ici, on est dans la marde objective. Si quelqu'un réussit à sortir un plan avec une bonne idée dedans, on s'en reparle, je vais être vraiment content. Je reste ouvert d'esprit. Je l'ai réécouté tantôt, ça fait au moins 40 fois que je vois ce film. Idéalement, plus je suis sous, mieux ça va. C'est un truc que je vous donne. Ça va commencer vers 22h à peu près. L'excellent, l'innommable « Il était une fois le diable » Devil's Story. Voilà. Juste avant, on a un set de VJ, de deux VJ différents. Il y en a un, c'est sa première fois, Gabriel Lantier. Et il y en a une que c'est sa énième fois, c'est Élise Laflamme. Et puis, ben, juste avant ça, on va avoir une performance live de notre invité. Je pense que tu vas nous faire un set. Hein? Il fait signe que oui avec la tête. Donc, on va avoir Jérémy Alain à 70%. Pour égayer la soirée, mesdames et messieurs, on peut peut-être tout de suite les applaudir et ça va revenir. C'est Marianne de Cardinal Experience. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est le projet Marianne. Le projet Marianne, mesdames, messieurs. Avec son point cardinal, j'aime ça, hein? Focus, la première fois que quelqu'un... Eh hey, bon, pour commencer cette soirée, allez-y chaleureusement, mais pas trop, on veut pas qu'elle reste trop longtemps. Mesdames et messieurs, on peut accueillir Isabelle Sasseville, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est tout pour moi, merci. C'était super le fun. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Oui. Good, super. Moi, je suis formée en théâtre, donc j'ai été beaucoup serveuse dans ma vie. J'ai développé des problèmes de tunnel carpien, puis cette année, j'ai été opérée. C'est un chirurgien plastique qui a fait mon opération. Ah, comme quoi, même en médecine, les mains puis les totons, ça va ensemble. C'est un peu drôle, la salle d'attente de mon chirurgien, parce que tu as les deux types de clientèle. Hein? La clientèle des seins, ça, c'est des filles de 25 avec une madame de 50. Puis la clientèle des mains, des madames de 50. Puis moi, je suis officiellement la guédaille de la clientèle des mains. Hein? La première fois que je suis arrivée dans le bureau de mon médecin, il m'a dit « Enlevez votre chemise puis installez-vous ». J'ai fait « Non, non, je suis là pour les mains ». Et là, j'ai vu c'était quoi la face d'un gars qui vient de perdre 10 000 $. L'opération s'est bien passée, mais j'ai fait une infection post-opératoire. Hein? Pour ça, ils m'ont donné de la morphine, ça fait voir des papillons, puis de la pénicilline, ça fait faire des champignons. Pour contrer la vaginite, j'ai mangé beaucoup de yogourt, j'ai continué à prendre de la morphine. Résultat, j'ai vomi, j'ai vu des papillons dans mon yogourt. Yeah. Ouais, les papillons, c'était pas si pire, les chenilles étaient dégueulasses. Oh. Sinon, j'ai pas une bonne santé en général. Moi, j'ai été diagnostiquée à 15 ans avec un diabète de type 1. J'aurais pu mourir, ça aurait beaucoup compliqué ma vie. Mes parents étaient très contents que je décède pas. Ils auraient été pognés pour faire le ménage de ma chambre. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas passé l'aspirateur. La poussière s'était syndiquée. Les acariens étaient rendus avec des avantages sociaux. Le plus proche que je suis passée d'être morte, c'est 48 heures dans le coma. C'est weird, le coma, hein? T'entends tout, tu te sacs de tout, puis quand tu te réveilles, tout le monde pleure. C'est comme s'endormir devant Mémoire vive. Le plus difficile avec le diabète, par exemple, c'est vraiment le sexe, parce que nous, les diabétiques, on peut faire des baisses de sucre après des efforts soutenus. Trouver le gars, par exemple, ça, c'est facile. Je sais que j'ai l'air d'une professeure de deuxième année B d'une classe d'allégé, mais maudit, j'ai fourré dans ma vie. Chaque fois qu'il y a un humoriste de la relève qui est venu ici de vous raconter comment il s'est pas ramené une fille, moi, j'ai fourré. Oui, it's that easy. C'est vraiment ça. Sinon, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime ça se coucher tard. Hein? Moi, j'ai pas d'enfant, fait que quand je suis debout, ben c'est ma décision. J'aime ça à 2h du matin penser aux mères cernées qui bercent des bébés qui braillent. Je veux dire, « Fuck you, bitches! Moi, je fais ce que je veux! » Souvent, c'est du lavage. Il n'y a pas d'heure pour être plate. C'est fou, pareil, dans la vie, comment il y a des situations qui sont plus faciles à gérer de jour que de nuit. Il n'y a pas longtemps, j'ai une souris dans mon appart à 2h du matin. Elle est comme sortie d'en dessous de, tu sais, la jupette de lit. Ça, c'est un morceau de tissu que tu achètes quand tu n'as pas d'argent pour acheter une base de lit. Ça sert à cacher des mauvaises décisions. Moi et mon chum, on a cherché la souris. On exclut complètement la personne qui parle. On, c'est mon chum puis sa mauvaise humeur. Moi, j'étais terrorisée. Donc, lui, il a trouvé le trou. Hein? C'était derrière la sécheuse. Il l'a bouché avec du gros tape industriel. Pour vrai, les filles, si vous voulez mesurer combien quelqu'un vous aime, faites-y manipuler un objet collant dans de la poussière à 2h du matin. C'est, ça, c'est de l'amour solide. He's a keeper. Je t'aime, chérie. Bon appétit. Andy Jacques, mesdames et messieurs. Un héros, man, un héros. J'étais terrifiée. Moi, pendant qu'il était en train de boucher le trou, je scannais le plancher pour trouver des petites crottes, savoir si j'étais infestée. Mais la panique 2h du matin, ça fait qu'il y a des choses qui se passent. Je veux dire, tout ressemble à des crottes de souris. Tu sais pas c'est quoi le désespoir, mon ami? Moi, je te dis, trier des mousses de bas puis des vieilles graines de lin en pensant que c'est des petites crottes. C'est un appel à l'aide, ça, là. Mais c'est ridicule que j'ai si peur des souris parce que mon chum, il y a des rats. Je veux dire, un rat puis une souris, c'est la même calice d'affaires, mais plus gros. Un rat, c'est comme une souris américaine. Mais honnêtement, le vrai problème avec ces bébêtes-là, c'est que c'est jamais comme les souris de Disney, hein? Des petits psychologues de 2 pouces avec les skills de Coco Chanel. Non, non, toujours une armée sanguinaire avec des petits bandeaux ninja, des petites machettes. Une souris, concrètement, ce que ça fait, là, ça mange ta bouffe, ça va la chier 1 mètre plus loin, après ça, ça calisse son camp. C'est comme un étudiant qui vient manger chez ses parents à la fin de semaine. Je veux dire, ça vient pour le festin, puis ça reste pas pour l'ambiance. Sinon, je sais plus où je suis rendue. Je teste des choses ce soir. C'est le fun. Plancher, petite crotte souris, rat, Coco Chanel. Oui, on est rendu là. Resto! Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un restaurant avec mon chum au début du printemps. On est allé dans un restaurant où c'est un DJ qui joue pendant que tu manges. Moi et mon chum, on va au resto le vendredi soir, là, comme toutes les autres couples, là, pour oublier qu'on baise moins qu'avant. On a... Ça arrive après un certain moment, vous saurez. Vous voyez pas qu'on est triste? Non, sincèrement, on a vu rentrer le DJ. Il était dur à manquer. Son attitude est rentrée avant lui. Elle a tenu la porte pour qu'il passe. Nous, par exemple, il a fallu attendre 30 minutes debout parce que son équipement prenait 2 tables. Fait qu'ils nous ont servi la sangria dans le portique. Moi, personnellement, si je veux siroter mon cocktail avec mon manteau sur le dos en me faisant juger dans une ambiance lounge, je vais aller au Igloo Fest. Après ça, je s'est mis à mixer des tunes, des genres de demi-tunes avec des mauvaises transitions. J'avais l'impression d'écouter Énergie. C'était capoté. Puis je veux dire, si c'est ça être un DJ en 2017, je veux dire, moi-même, je peux être un DJ. Je suis capable de faire la job d'un vieux iPod. Il a fini son set. Il a fait « Yo, this one's for my bro ». Nous, tout ce qu'on a entendu, c'est « Yo, j'aurais dû finir mon DEP en soudure ». C'était pathétique. Sinon, ceux qui me connaissent savent que moi, dans la vie, je suis adjointe administrative. Ça veut dire secrétaire débutante dans la langue du déni. Moi, des fois, quand je suis au travail, je tombe dans l'une puis j'imagine ma vie si j'étais pas une secrétaire. J'essaye de pas me faire pogner parce que c'est jamais le fun de se faire demander « Pourquoi tu pleures à 10 heures le matin? » Dans ce temps-là, je sais pas pourquoi. Je pense toujours à Madame Bovary. Hein, Madame Bovary, ceux qui connaissent pas ça, c'est un roman français. C'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie, qui trompe son mari et qui se suicide. C'est exactement comme lire la vie d'une participante d'Occupation double. Personne tient ses promesses, tout le monde est déçu. C'est sûr que le livre aurait été meilleur si Madame Bovary avait fait « You know what? Fuck it. M'a partir on the road avec la vieille jument. M'a vendre mes poèmes pour de la boisson. M'a faire tatouer Carpe Diem, c'est une boule. Fuck le mari, fuck le bébé. Je veux vivre. YOLO, calice! » Ouais! Carpe Diem! C'est pas de même ça s'est passé. Moi, personnellement, c'est le livre le plus fucking plate que j'ai lu de ma vie. C'est pourquoi j'adore l'offrir en cadeau. Avec une petite carte qui dit « Cette histoire m'a beaucoup fait penser à toi. Oh. » Puis là, les gens, ils lisent jusqu'au bout là, parce qu'ils cherchent le compliment, mais il n'y en a pas. Elle se suicide, son mari meurt de chagrin, puis leur fille devient orpheline. Joyeux Noël, Chantal des Ressources humaines! Sinon, ça fait 2 ans que je travaille dans le même bureau, puis ça fait 2 ans qu'on me parle de météo, comme si j'avais pas ça chez nous, moi, des fenêtres! J'ai une collègue qui arrive à un moment donné qui fait hey, « ça fait 10 minutes que je déblaye mon char, je vais être encore pognée pour le déblayer, ça n'a pas de bon sens. » En février, 10 minutes, pas sérieuse? Permets-moi de garder ma surprise pour quand il va pleuvoir des oiseaux en feu sur ton char, Carole. Sinon, le début du printemps, hein, c'est une drôle de patente. C'est comme un preview de l'été, hein? Faut qu'on attende 3 mois pour voir le film au complet. Moi, personnellement, je serais très curieuse de voir le film de l'été, hein? Summertime, The Return, avec Morgan Freeman dans le rôle du soleil. J'aime ça imaginer un acteur noir jouer le soleil, le seul personnage qui domine complètement les Blancs en leur donnant le cancer. sinon, dans le schéma des saisons, là, la météo, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a encore des gens qui vivent dans le déni. Par exemple, sur le site de Météo Média, chaque semaine, il y a un sondage. Il n'y a pas longtemps, la question, c'était « Une vague de chaleur sévit présentement sur le Québec. Êtes-vous d'accord? » What? Êtes-vous d'accord? Hey, manquez pas la question de l'automne, tout le monde, les feuilles mortes, pour ou contre? Sinon, quand l'hiver arrive, là, tout le monde devient un expert. Hein? Moi, j'ai un français fatigant à ma job. Mais là, j'ai pas de préjugés, là. C'est pas tous les fatigants qui sont français. Lui, il aime ça nous dire quand il fait froid, là. Ouais, du coup, tu vois, la température à la surface de la Lune, elle peut descendre jusqu'à moins 175 degrés Celsius, tu vois. Ouais, ça, c'est 3 degrés de moins qu'au Yukon. L'été. Not impressed, Jérôme. Nous, par exemple, on a tous déjà vu un bulletin de nouvelles français l'hiver, hein? Une chute de neige a plongé Paris dans l'horreur ce matin, alors qu'une accumulation au sol de près de 2 cm a forcé plusieurs automobilistes à abandonner leur véhicule en pleine rue. On rejoint Catherine Dubonnet sur place. Catherine, vous m'entendez? On va tous crever! C'est l'apocalypse! Dites à Thierry aux enfants que je les aime! Thierry! Merci beaucoup, douteux. C'est tout pour moi. Bon show! Isabelle Sasseville, mesdames et messieurs. Vous êtes tellement blood. Bravo! Jean-François des Douchebags qui vous accueille au douteux avec les 70%. Hey, bonjour, public. Je viens de vivre... Je viens de vivre quelque chose de vraiment particulier, vivre une chanson du petit Jérémy derrière un écran avec des gens qui pitchent des affaires. Salut! C'est de ta faute. Merci. Alors, on remercie nos DJ Élise et Gabriel. On les applaudit, s'il vous plaît. Et c'est le moment très important de l'encan, parce que faire jouer des vidéos, ça coûte beaucoup cher de gaz pour aller les chercher dans des endroits reculés sur des VHS. Et il faut acheter des VHS parce que c'est un peu comme un crayon Bic, c'est bon à peu près pour 50 utilisations. Après ça, faut le jeter et en acheter un autre. Tommy? Alors aujourd'hui, on a un lot de DVD. Alors entre autres, Independence Day, un jeu dans lequel Will Smith nous sauve. The Covenant, c'est quoi ça? To save the future, they must battle their past. Hein? Non, peut-être, je sais pas. Si tu l'achètes, tu vas le savoir. Non. Alors, on a un film prévisionné à 12,99. Dans le temps qu'on pouvait acheter les clubs vidéo. What's your number? Version française, c'est quoi ton numéro? Ali est à la recherche du meilleur ex de sa vie. Et on finit avec Reeker, l'odeur de la mort. Une étudiante sur le point de graduer effectuant des recherches à propos de psychopathes cannibales. Oh là, ça. On parle en chair à 1$. Est-ce que j'ai 1$ pour ce lot? 2$ ici. J'ai entendu 3 à 2 places. Fait que si quelqu'un dit 4, j'ai plus besoin de checker. Hey, celui qui a dit non, fais pas ça, tu sors. J'ai un 4 ici. 5. 6 en arrière. Come on, le but, c'est d'aller en trouver des meilleurs. Check. Il y a 3 films là-dedans. On me dit que j'ai mal regardé. Il y a 3 films. Donc, ce n'est pas 4 films. On parle de 7 films. Alors, j'ai 6$ toujours. 6$ une fois. 6$ deux fois. Hey, come on, c'est le prix d'une location quand j'étais jeune. 6$ 3 fois vendu. Alors, on continue avec un chandail du Rhinocéros Montréal. Alors, on me dit que c'est un 16 universel. Non, c'est un médium. Donc, c'est important. On parle d'une relique. On parle d'un parti qui a fait gagner Justin Trudeau grâce à Tommy cette année. Le slogan de Tommy était d'ailleurs « Je divise le vote pour Justin Trudeau ». Alors, j'ai 2 $ ici. C'est parti. 3 $. 4. 5. 6. 7. 10. Alors, j'ai 10 $ pour un T-shirt médium du Rhinocéros Montréal. 11 et 25. Fort. Ouais, arrête de bider pour lui. 12. 13. Ça me dérange pas, on est à 13 $. 13 $ pour un T-shirt, 13 $ une fois. Ça sera pas long, on est en train de regarder. 15 piastres tabarnak. 15 piastres tabarnak une fois. 15 piastres tabarnak deux fois. 15 piastres tabarnak trois fois vendu. Quelques vues à 70%, c'est... Il y a des saviez-vous de Dieu, puis c'est acrostiche. OK, pour vous ce soir... pour vous ce soir, on a la religion. C'est quelque chose qui doit quand même fonctionner. Ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe. Il y a des photos, donc c'est des dessins en fait. Hein? Ah ben oui, là, OK. Bon, OK, est-ce que j'ai 1 $ pour des attouchements de bébé? Un dollar! 2 $! Hey, ceux qui crient d'autres choses que de l'argent, là, je comprends pas. Donc, j'ai 2 $ à madame ici. 3 $, 5. 6. 7. 8. 8 $. 8 $ pour les attouchements de bébé. J'ai personne d'autre pour de la religion. Il n'y en a pas beaucoup de religions. On en manque des fois. Il y a du monde qui va en chercher dans d'autres pays. Alors, 8 $ une fois. 8 $ deux fois. 8 $ trois fois vendu à monsieur. Alors, puisque c'était le Comic-Con en fin de semaine, on a un article très, très thématique. Superman, on parle d'une figurine qui vaut 60 $ sur eBay. Je vous invite à sortir vos téléphones et aller checker. Donc, une figurine qui vaut 60 $, on parle du vrai Superman, pas celui dans Supergirl. Ah, on me confirme que ça vaut 80 $. Donc, tu sais... Alors, est-ce que j'ai 5 $ pour Superman? 10 $. 15. 20 $. Fuck you. 20 $ pour revendre Superman sur eBay plus cher une fois. 20 $ pour vendre Superman sur eBay. Hey, come on. C'est des opportunités. Tu sais... Je pourrais être le gars qui vous appelle pour faire de la vente pyramidale pour, tu sais, les affaires que... On a tout un ami de même, là. Mais là, c'est vrai, là. C'est facile. Il vole. Je suis comme un arbitre de lutte. Je sais pas ce que j'étais rendu. 15 $ une fois. 20 $ une fois. 20 $ deux fois. 20 $ trois fois vendu en avant pour Superman. Ben oui. Tu sais, encore parce que c'est le. C'était le Comic-Con de Galaxy Quest. Mmh. Alors. Un objet exclusif de Galaxy Quest tenu en ce moment même par un figurant de Dans une galaxie près de chez vous. Je jouais un méchant et je me suis fait tuer par Claude Legault. Je n'ai pas de nom au générique. Je m'appelle Homme paralysé. Je n'étais pas important. Mais c'est quand même la seule écusson de Galaxy Quest touchée par un comédien de Dans une galaxie près de chez vous. Est-ce que j'ai 5 $ pour ça? Un article officiel. 5 $ 6 $ 7 $ 8 10 10 $ une fois. 11 $ C'est un article officiel. Hey, comment tu viens de faire 60$ là, tu peux acheter une autre affaire. 12 $ Donc 12 $ une fois. 12 $ deux fois. 13 $ Alors, 13 $ une fois. 13 $ deux fois. 14 $ Comment, ces Galaxy Quest vont peut-être en faire un autre. Fait que ça, c'est... Alors, 14 $ une fois. 14 $ deux fois. 15 $ Hey, le monde se tire les cheveux. Tu sais, on boit toutes des pintes à 9$, mais ça monte d'une pièce comme... 17 $ une fois. 17 $ deux fois. 17... J'avais pas fini ma phrase. 20 $ Alors, 20 $ une fois. 20 $ deux fois. 20 $ trois fois vendu à monsieur. Hey, merci beaucoup d'aider à financer l'archivage. C'est important. N'est-ce pas, Tommy? Je suis très d'accord à ce que disent Guy. Disent Guy, ouais, c'est ça. Ah, c'est la fin? Hey, mesdames, messieurs, Guise de Pessemier, s'il vous plaît, on l'applaudit. Hey, il y en a qui ont ça dans le sang plus que d'autres dans ce sapristi, hein? S'il y a une affaire que je suis pas bon dans la vie, c'est faire un encan. Je pense que ça a été prouvé souvent. Merci beaucoup, Guise. Je pense qu'il s'occupe d'un vlog en ligne, là, ça s'appelle Desi et des. Le. Me semble. Oui, c'est ça. Le ceux, c'est Gérieux. Oui. Merci beaucoup. Hey, sérieux, ça a été une très belle soirée à date. Ça va bien. Hein? Je pense qu'on est capable de garder à curve. Puis j'aimerais ça que vous contribuiez tout le monde avec moi. Puis on va dire je t'aime, papa, quand je vais dire 1, 2, 3. OK? OK? OK. 1, 2, 3. Je t'aime, papa! Salut Hubert, je pensais à toi en le disant. Hein? Donc, merci d'être là encore une fois. On arrive à la dernière étape de cette soirée qui se veut à quelque part un marathon de plaisir qui commence bénévolement à 18h15. T'étais où à 18h15? Moi, j'étais pompette au brouhaha, en tout cas. Tabarnak. Ouais, ouais, on était là, Jérémy. Jérémy Alain, mesdames, messieurs. Ça fait un an et demi qu'il nous connaît, mais à soir, il est resté parce qu'on y a payé à boire. Humoriste de la relève! Non, mais Jérémy Alain, What's Up Podcast, checkez ça, tabarnak. C'est assez, là. Donc, là, à partir de maintenant, on va revenir aux sources de ce que c'est douteux.org. À la base, on voulait vous divertir avec du recyclage, des affaires que les gens ne pensaient plus qu'il y avait du fun à tirer de ça. Il y en a beaucoup des films qui ont du fun à tirer de ça puis que tu pensais pas. T'sais. À soir, on va écouter quelque chose qui dure 72 minutes de long. 72 minutes. Puis la joke, c'est que tu me niaises, c'était bien plus long que ça. Je te jure, c'est 72 minutes. Il n'y a aucune invention terrestre qui fait paraître 72 minutes plus long que ça. C'est un voyage dans le temps que je vous offre. On va écouter un long métrage qui est sorti en 1987. Et c'est excellent! 9 ans après Star Wars! Et ça se voulait à l'époque le Star Wars des films d'horreur. Parce qu'ils vantaient le fait qu'il y avait tellement de costumes différents. Et là-dessus, je me lance. Découvert quelque part en 2003, Devil's Story se veut près du sommet de ce que le douteux d'horreur et d'ambiance peut atteindre. Souvent, quand je termine un long métrage résolument douteux, j'aime imaginer toute l'équipe technique, après la dernière mouture, tu sais, venez au visionnement du film qu'on a fait tout le monde ensemble. Puis là, ils mettent du champagne en avant de la... Tu sais, puis là, il y a l'écran, puis là, tout le monde écoute ça. Ben moi, je vous dis que jusqu'à ce jour, c'est sûr qu'il y a des bouteilles de champagne qui sont restées non débouchées dans des tables, sur des chaudières d'un théâtre qui est encore hanté de nos jours. On est devant quelque chose de spécial. Bernard Launoy, le nom du réalisateur, il a fait ses armes avec des films comme « Lâcher les chiennes » en 1972, « Les dépravés du plaisir » en 1975, Les machines à sous en 76, mon préféré, touche pas à mon biniou en 1980 et Sacré gendarme la même année. Tout ça nous mène à Devil's Story, un film de 86. 6 ans de hiatus. Mais depuis Devil's Story, plus rien. On va comprendre pourquoi dans pas long. Donc, Devil's Story, c'est long. C'est très très long. C'est très, très, très, très, très, très long. Mais ça dure 72 minutes. Ce long métrage est la meilleure machine à voyager dans le temps que vous allez rencontrer de votre vie. S'il vous plaît, prenez en note ce qui vient. Ça ne va pas en s'améliorant. Ce qui fait que c'est plus long. À n'importe quel moment du film, si vous avez envie de baisser les bras, dites-vous que ça ne va pas s'améliorer. Si la redondance inexplicable et à jamais inégalée vous tombe sur les nerfs à un point où ça fait presque mal, redonnez-vous du courage entre vous en vous disant que ça ne va pas s'améliorer. Ça va jamais s'améliorer et c'est justement là que le doute se cache. Parce qu'en étant conscient du fait que ça va jamais s'améliorer, on en vient à comme toucher une zone weird dans notre tête, dans notre conceptualisation des affaires qu'on a le privilège. On est des humains, nous aussi. En fait, c'est une zone sensible dans votre tête. Un endroit où la raison et le doute, par force de redondance et de perte de temps, s'entremêlent pour créer une euphorie que j'aime vraiment beaucoup vivre. Il y a peu de films qui peuvent se vanter de nous permettre d'atteindre un rire d'une telle pureté. Parce que ce chemin est la plus plate des platitudes. Dans cette bouillie informe, dépourvue de commencement, de milieu ou de fin, vous allez voir un cheval... Un vieux monsieur qui essaie de tirer à coups de chevrotine aux aurores dedans longtemps. Longtemps, là. Tu peux aller pisser, revenir, puis tu vas dire, voyons, j'ai-tu manqué quelque chose? Puis les personnes à côté, ils vont soit rire, soit vraiment faire pitié. Vous allez voir une momie. Une héroïne, un zombie qui trimballe avec lui une trame sonore de 3 mesures. Une vieille sorcière, des naufrageurs, la maquette d'un bateau qui sort d'une falaise, un hostie de chat noir à coups de pied, l'utilisation de clichés gros comme mon organe. On va même parler de Napoléon, mesdames, messieurs. Et s'il y a quelque chose que tout le monde aime parler de, virgule, c'est Napoléon. C'est vrai. À partir de dans ma prochaine phrase, on va commencer à écouter ça. Je veux remercier tout le monde, les techniciens, M. Mallette, Olivier là-bas, Gabriel, Élise, les VJ de la soirée, tous les bénévoles. Mon père, merci à tes gonades, Hubert. On va écouter un long métrage de 72 minutes et les sorties sont exactement par où vous êtes rentrés. Et je ne peux pas être plus clair. On ne peut pas dévoir quelque chose. Ça ne va jamais s'améliorer. Ça dure 72 minutes. Je m'en vais me chercher un shooter. C'est un film d'horreur qui va vous hanter pour toujours. Parce que si tu sors, tu vas te dire, c'est quoi qui était si pire que ça? Puis si tu te rends jusqu'au bout, tu vas te dire, calice, j'ai perdu mon temps. Et ça commence d'être là. Lundi prochain, on a un spécial pas de classe parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas notre projection dans les salles à côté. Puis d'habitude, on demande aux VJ de ne pas mettre de porn avec des affaires dilatées. Moi, lundi prochain, je vais faire un spécial VJ pas de classe juste parce que le brouhaha est cool. Ils ont mis la poque dans notre champ. C'est là qu'il faut le faire. Et on a... Oui, Élise, merci. On a aussi... Ça va, Élise, veux-tu venir le dire? OK. On va avoir comme invité à 70% Polo des Frères à cheval et des Détraqués qui fait un petit comeback. Quand même, deux des trois frères Bellemare. Là-dessus, j'ai plus rien à dire. On écoute, il était une fois le diable, il y a une sortie là, puis il y en a une là. Sinon, merci. T'aurais pas pu me faire penser à prendre de l'essence, non? Vous ne connaissez pas une station-service, monsieur? Oh!